Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippee-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Et il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue dans un épisode bonus du Bras de faire des films. Mon nom est Jean-François Tremblay. Et pourquoi l'épisode bonus? Parce qu'on est vendredi soir, c'est relax et on a de la bière. Et Steven n'est pas là, mais je ne suis pas tout seul parce qu'avec moi, j'ai un vieux copain, un grand ami, un ami de longue, très très longue date. Ça fait, c'est un de mes plus vieux chums, je vais le dire de même. Je vais le nommer, là, je vais finir par arrêter de... C'est Patrick Villeneuve. Salut Patrick! Salut Jean-François! Oui, très bien, puis toi? Ben oui, ça va bien, certain. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, là? Ben là, on se connaît depuis le cégep. Ça veut dire 1996. Plus vieux que ça encore. 95? Plus vieux que ça encore. Septembre 94. C'est... Ça fait 22 ans. Ça va faire 22 ans en septembre qu'on se connaît. 22 ans déjà, c'est pas pire. T'avais-tu vraiment... On avait-tu vraiment besoin de commencer avec ça? Pour se déprimer, là. Ça nous rajeunit pas, non. Non. Mais je me souviens très bien, par contre, de cette époque-là. Puis notre première rencontre, comment est-ce qu'on a commencé à se parler? On était dans le même programme tous les deux en lettres. Oui. Et ça a commencé dans l'initiation. C'est vraiment là qu'on peut dire la fameuse soirée. Petit souper poche d'initiation. Oui, hein? Ouais, mais qui n'a pas été poche parce que c'est du non, non, non, non, je dis poche, il ne se passait pas grand-chose. Là, puis... Non, c'était ordinaire comme initiation, on s'entend. C'est pas ce que j'avais entendu. Puis mettons que j'avais pas mal plus peur de bien des affaires, mais finalement, ça avait été bien relax. Puis ça nous a permis effectivement de nous rencontrer tous les deux. On s'était assis un côté de l'autre, puis on commençait à jaser, puis ça commençait de même. 22 ans après. Après, on jase, puis je vais faire mon premier podcast. Oui, ben, c'est ça que j'allais dire. Toi, c'est ta première expérience de podcast ce soir. Oui. Puis, on fait un épisode bonus. En fait, c'est le quatrième, je crois, que je fais sur le bras de fer. Puis, on parle juste d'un film ce soir. On va commencer ça mollo, là, tu relax, pour t'introduire au podcast et tout ça. Puis, un film que tu as choisi, film que tu affectionnes particulièrement, je pense. Ben, dis-moi pourquoi. Dis-moi quel film tu as choisi, puis dis-moi pourquoi tu l'as choisi. C'est bon. Ben, j'ai choisi le film Brain Dead. Je sais que c'est Dead Alive en anglais. Dans le fond, la version. Pourquoi c'est Brain Dead en français? C'est Brain Dead partout dans le monde, sauf que c'est Dead Alive en Amérique du Nord. Mais je pense que Peter Jackson utilise le titre Brain Dead. Tout le monde dit Brain Dead. Là. Ah, ben oui. Vu que c'est Peter Jackson en plus, on va prendre Brain Dead, j'ai toujours appelé comme ça. Ouais. Fait que mon choix de film, c'est Brain Dead. Pourquoi? C'est parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Puis je me souviens très bien de la fois que je l'ai vu la première fois. C'est que j'étais arrivé à la maison, ma mère avait loué des films avec mon frère. Puis là, elle me dit, Patrick, il faut que tu écoutes ce film-là. T'as pas le choix, là, on écoutait ce film-là, ton frère et moi, puis on a capoté, on s'attendait tellement pas à ça, puis elle dit, il faut vraiment que tu écoutes ça. Puis elle, c'était tout de suite, là. Fait que j'ai dit, ah non, regarde, j'étais trop curieux, puis je veux pas, ma mère, mon frère, deux personnes très importantes qui ont toujours une grande influence dans ma vie, qui me disent il faut que tu vois ce film-là, fait que fallait que j'écoute ce film-là. Fait que j'ai commencé à l'écouter avec ma mère, qui l'a réécouté, dans le fond, on venait de se le tapis quasiment de finir, elle l'a réécouté avec moi. Puis j'ai tombé en amour avec ce film-là dès après 5 minutes. Tout de suite, j'ai embarqué totalement, puis j'ai eu du fun tout le long. J'ai trouvé ça dégueulasse, j'ai eu du fun tout le long de ce film-là. Fait que c'est un film qui m'a marqué dans ma jeunesse, je vais avoir en 18-20 ans. Pas mal dans ces âges-là. Ça, c'est pas mal sûr de. Je suis pas mal sûr de ça. Mais je me souviens pas exactement quel âge, mais c'était à peu près ça. Puis ça fait pas mal avec les âges. C'est sorti en 92, si je me trompe pas. Ouais, je pense que oui, je vais vérifier, oui. Ouais, 92. Fait que c'est pas mal, je dirais, 94, 95, probablement, dans ces eaux-là que j'ai vu ça. Ben moi, je dirais que c'est la même année, parce que moi, je l'ai vu la première fois, c'était avec toi puis toute une gang du cégep dans un party. Je n'aimerais pas de nom à soir, je vais juste dire... j'ai envie de dire son surnom, là. J'ai envie de dire que c'était chez Yabou. Personne ne va savoir c'est qui, anyway. Mais c'était dans un party chez eux en 94 ou 95, puis c'est rien que juste, c'est pas toi qui as apporté la cassette ou quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est moi qui ai emmené ça. C'est sûr, parce que je me demandais justement comment tu l'avais vu la première fois, puis je me doutais que c'était peut-être à cause de moi. Moi, c'était à cause de ma mère qui avait vu, puis qui a trippé. Je l'ai écouté, puis après, j'ai voulu faire écouter à plein de monde. Parce que je me souviens l'avoir écouté plusieurs fois dans ces années-là, puis je voulais faire écouter à tout le monde que je connaissais. Puis surtout toi qui es fan d'horreur, hein, pas mal comme moi, qui est fan de films, je me disais, il faut que tu vois ça, t'avais pas le choix. Fait que ça se peut très bien que c'est moi qui ai amené ça chez Yabou. Ah, je suis sûr. On était une bonne gang, puis on regardait ça, puis je l'ai regardé après ça plusieurs fois par après, là, mais j'ai dû leur louer ou quelque chose, je sais pas quoi, mais... Puis, ben c'est ça, dans le fond, on va juste jaser du film comme ça, qu'est-ce qu'on en pense, on l'a revu cette semaine, tous les deux, puis... Ben, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas vu, mais ça faisait un bon 10-15 ans, là, facilement, je ne l'avais pas vu. Là. Facilement, moi aussi. Si c'est pas plus. Oui, quand je l'ai écouté hier, là, je me souvenais pas mal de tous les moments. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais il y a des petites choses, des fois, OK, puis là, ça se présentait, puis là, ah oui, c'était comme ça, puis là, soudainement, là, l'autre scène arrivait, OK, oui, je me souvenais, puis je rembarquais un peu l'émotion que j'avais vécue la première fois. C'est ça que j'ai trouvé ça le fun, le fait de revoir plusieurs années après. Tu sais, je voyais des choses qui m'avaient fait rire, me faisaient rire encore, des choses que je trouvais dégueulasses, je trouvais encore aussi dégueulasses, parce qu'on s'entend que là, au niveau de la dégueulasserie, et on en a pour son argent dans ce film-là, c'est vraiment le fun. Moi, c'est dès le début. Tu sais, maman, vas-y, faut t'écouter ça. Je me disais, bon, c'est quoi cette affaire-là? Là, ça commence deux espèces dont on sait pas trop ce qu'ils sont, là. Ils disent c'est sur une île, là, l'île de la tête de mort, je sais pas quoi, Skull Island, je pense. Puis que là, il y a un genre de, on sait pas trop quelle bébite qu'ils ont dans leur panier, puis que là, ils se promènent, puis là, ils descendent, puis ils ont l'air pressés, puis l'autre, ils capotent. Ah, vous devrez le laisser là. Puis là, on a des indigènes qui sortent, qui veulent qu'ils entourent, puis là, ils retournent là, qu'est-ce que c'est ça? Puis déjà là, ça crée un mystère. On se demande, c'est quoi la bébite qu'il y a là-dedans? Puis qu'elle a l'air à faire si peur à l'autre, puis qu'elle a l'air à intriguer. Ils veulent pas, les indigènes, ils sont là pas pour rien. Probablement justement parce qu'ils savent qu'ils ont cette bébite-là. Puis. Là, ça commence, ils réussissent, ben là, tu vois son gars, ils réussissent comme à se sauver. Mais là, dans la poursuite de se sauver, il se fait comme griffer ou mordre. Puis là, tout de suite, il tombe à terre, il le voit, puis là, il dit, je me souviens plus le mot qu'ils disent, mais là, d'ailleurs, puis on y coupe là, le bras, puis tu vois le bras vraiment découpé, quasiment ralenti, avec la lame qui déchiquette le bras. Ah, ah puis c'est une lame qui a vraiment pas l'air affûtée, là, tu sais, puis. Pas deux secondes. Ça a l'air vraiment épouvantable à faire mal, puis l'acteur joue bien son rôle de douleur. Oh oui. Puis là, c'est l'autre, là, c'est l'autre bras plus haut, quasiment au niveau de l'épaule. Tu dis non, non. Moi, couper ça, tu le vois aussi. Là, il continue à rouler, puis là, tu le vois au niveau de la tête. Puis là, tu imagines très bien ce qui s'en vient, mais là, heureusement, il nous donne un petit break quand même. Le titre arrive. Break, là. Le titre arrive en splash de sang. Mais toute cette passe-là, moi j'adore ça, comment c'est filmé, la caméra, elle bouge tout le temps, c'est mobile au bout. T'sais. Puis ça fait penser un peu à Sam Raimi dans Evil Dead, la manière qu'il bouge sa caméra des fois. T'sais. Juste la manière que la caméra se promène sur les différentes plaies du gars, c'est, on passe d'une plaie à l'autre, on passe à sa tête. Puis c'est comme quand la caméra se promène sur Bruce Campbell dans Evil Dead un peu, c'est un peu ça. T'sais. Oui, puis c'est ça qui est le fun, parce que justement, tu te dis, premier coup, tu te demandes ce qu'ils vont faire. Tu sais pas trop, mais là, un coup, ils ont chopé l'avant-bras, tu sais très bien ce qui s'en vient après. Oui. Puis là, tu vois vraiment, puis comme tu dis, les plans de caméra. Puis ça, j'aimais ça, parce qu'on va en parler, mais tout le long du film, il y a toujours des plans rapprochés des faux. Ouais. C'est hyper dynamique. C'est pas très technique. Non, non, non, mais... Mais c'est rapproché, puis tu le sens, tu veux qu'ils veulent vraiment qu'on voit les... Si ils veulent vraiment qu'on ait, je sais pas, un plaisir. C'est le fun, la façon que c'est filmé. Ça, c'est clair. Comme je dis, c'est dynamique, c'est vraiment... C'est agréable, ça ajoute tellement... Ah, tu sens qu'il est collé sous ses acteurs, là, puis il lâche pas pantoute, tu sais. Ah, c'est... Oui, oui. C'est drôle parce que je le vois plus de la même manière, le film, dans le sens où j'ai vieilli, on est rendu tous les deux, on le revoit 20 ans plus tard, puis je m'attache moins un peu à Lionel, au personnage principal maintenant, dans le sens où je suis moins intéressé par son histoire d'amour que quand j'étais plus jeune, tu sais, quand on avait son âge à lui, là, c'est comme, ok, on va embrayer avec cette histoire-là, puis qu'on puisse avoir des zombies, puis qu'on puisse avoir des morts. Mais c'est, parce qu'aussi, c'est aussi parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient, puis j'ai hâte, tu sais, de... Oui, mais tu vois, ça me fait rire ce que tu dis là, parce que je me suis demandé aussi pourquoi c'est revenu me chercher. Parce que tu veux pas, au début, tu vois que c'est un peu niaiseux, de façon qu'il parle aussi avec la traduction française, parce qu'il faut plus dire, on l'a vu en français. Oui, on l'a revu en français. C'est drôle aussi, justement, comment est-ce que c'est la traduction et tout ça. Sauf que je me rends compte, j'ai réalisé, tu sais, je me suis pas su le moment quand je l'ai revu, mais après, quand j'ai repensé, pourquoi, tu sais, il m'a comme marqué, veux pas, parce que je trouve qu'il a fait une belle performance. Il est bon acteur. Ça, Lionel, oui, il m'a marqué, puis je me rends compte que c'est parce que ce gars-là, Lionel, je me pouvais bien plus m'identifier à lui, surtout à l'époque que je l'écoutais, qu'un Arnold, Sylvester Stallone, Bruce Willis de ce monde, qui ont fait plein de films d'action, où ce sont des gros héros, puis tu te dis, c'est des héros qu'on peut pas vraiment être, c'est comme plus grand que nature. Puis lui, c'est un héros bien ordinaire, super gêné, timide, manque de confiance, un fils à maman. Tu sais, je le voyais aller, puis je me disais, ah, c'est pour ça qu'il m'avait marqué tant que ça. Je me reconnaissais dans lui. Tu sais, je ressens, j'étais très timide, puis là, de voir la fille après, puis là, comment ça arrive la relation. Tu sais, j'y croyais que oui, finalement, tu sais, tombe en amour, elle, c'est parce qu'elle croyait un peu trop sa grand-mère, là, avec ses histoires de cartes, puis de tarot, puis tout ça, puis que là, qu'il va voir le signe, parce que. Mais je l'ai trouvé le fun aussi, hein, dès le début. Oui, parce oui. Que je me demandais si le fait de la revoir, puis j'ai trouvé qu'elle était bonne actrice. Suite le départ, tu vois que la première rencontre entre les deux dans le petit magasin, elle veut rien savoir de lui, là. Elle n'a pas le temps, là. Elle veut découvrir c'est qui son amoureux, puis ta-ta-ta. Puis là, il dérange, là. Il demande des affaires pour sa maman, la part pour aller voir dans... Puis là, il demande autre chose, là, il fait le bordel là, sur sa caisse, puis c'est là qu'elle voit son fameux signe. Puis là, soudainement, pouf, oh là, elle change complètement. Il croit peut-être un peu trop, mais reste que tu y crois pareil parce que tu as l'air vraiment un peu naïve dans le sens que ça croit beaucoup tout ce que sa grand-mère va dire selon l'astrologie, les cartes, peu importe. Puis là, le signe est apparu assez clairement aussi sur la table quand, avec la réglisse, puis quoi, là, un crayon, puis une autre affaire, son signe de lune. Puis là, après ça, tout de suite, tu vois son regard change, la façon qu'elle regarde, puis. Tu sais, t'as pas le choix, je me mets à la place de Lionel, puis je me mets à sa place, moi, comme j'étais en plus, j'aurais tombé tout de suite, c'est sûr, puis en plus, c'est joli. Puis ce que j'aime, plus tu la vois après, parce que là, elle est toute enthousiaste, elle, puis là, elle sait que c'est son amour, parce que, tu sais, elle se l'a fait dire, ça allait avoir un amour, puis ça allait selon le signe, puis là, pour elle, c'est lui. Fait que là, elle se pose plus de questions, c'est l'homme de sa vie. Fait que là, elle est prête à tout, elle est super souriante, elle est enjouée, j'aime son... La saveur qu'elle amène depuis du film, là, comment est-ce qu'elle est, dans le fond, heureuse, joyeuse. Innocente, puis oui. Innocente, oui, c'est le fun. Tu sais, ça amène, c'est de la fraîcheur, je trouve. Le petit couple, comme il forme, puis là, comment ça se développe, je trouve, c'est rafraîchissant, c'est le fun. Non, de même, t'as raison, là. Tu sais, je l'ai plus vu, sur le coup, quand je l'ai regardé cette semaine, je l'ai plus vu emmerdant un peu, mais vu comme ça, t'as raison. Oui, parce que je me remettais un peu dans le contexte quand je l'avais vu, puis là, pourquoi il m'avait tant marqué, parce que j'essaie de comprendre, parce qu'il y a des choses qu'on a marquées à telle époque dans nos vies. C'est qu'on a vu, mettons, on était jeune, puis oui. Le fait qu'on était jeune, puis on a peut-être vécu de quoi à ce moment-là qui a fait en sorte qu'on a vraiment accroché sur quelque chose, sur un film en particulier. Puis là, je me disais, pourquoi il m'avait tant marqué? Oui, beaucoup, parce que c'est un film de zombies aussi. À la base, au final, c'est un film pas mal d'horreur, il y a beaucoup de sang, il y a du gore en masse, puis j'aimais beaucoup ça. Fait que ça, j'aimais ça, mais j'ai compris aussi que j'avais accroché à leur petite histoire d'amour quand même. T'sais, ça a été un petit peu quétaine cucu, mais elle fun. Ouais. Le fait de le revoir, c'est comme ça que je l'ai senti. Puis justement, le jeu des acteurs, puis le fait des caméras qu'on voit rapprocher des visages souvent, on le voit l'émotion. Il s'appelle comment Timothy, lui qui fait Timothy Lionel. Timothy Ball, mais je checkais un peu tout à l'heure sur IMDB, puis il fait encore des trucs. Il était dans une série télé australienne, je pense, ces temps-ci. Là. Puis j'ai checké des photos. Je le trouvais sincère. J'ai checké des photos, puis ça ressemble encore. Oui, puis oui, t'as raison, il est sincère. Puis, mais non. Il a une paire de yeux hallucinant, la couleur. Là, il vieillit bien, le gars, il se ressemble encore, puis il vieillit bien, je trouve qu'il paraît bien encore. Puis, mais je prends pour acquis que tout le monde l'a vu dans ceux qui nous écoutent, mais dans le fond, en gros, juste en gros, l'histoire, c'est. T'en as parlé au début, là, c'est des scientifiques qui vont chercher. Finalement, on apprend que c'est un rat-singe. Un roc, une créature qui est née d'un je pense que c'est un roc qui a violé des singes ou le contraire, je me souviens plus. Non, ça, je peux te le dire parce que je vais juste faire parce que ça va tellement faire rire. C'est qu'elles sont au zoo, puis que là, l'espèce de weird qui vient chercher le singe qui vient de faire tuer par le singe roc. Puis là, il dit, ah oui, c'est là, il raconte l'histoire carrément en disant, ah, c'est des singes géants genre, qui sont arrivés sur l'île, ils ont avec des bateaux qui avaient des esclaves. Puis ils ont violé les petits singes, puis ça a créé dans le fond des singes rats, comme on voit dans le film. Fait que c'est ça, fait que cette créature-là se ramasse dans un zoo en Australie, puis t'as donc Lionel qui vit avec sa mère, qui est super opprimante et tout ça, oppressante, tu sais, puis il va rencontrer Paquita, la jeune fille au dépanneur. Mais il peut pas vraiment sortir avec elle parce que sa mère prend trop de place dans sa vie. Puis sa mère va finir par, lors d'une visite au zoo, se faire morte par le singe rat. Et c'est là que les trucs vont arriver parce que la morsure est contagieuse. Puis ça transforme tout le monde en genre de zombie. Un genre de zombie. Puis ben c'est ça. Sa mère, elle va finir par... par dépérir peu à peu, puis c'est extrêmement gore, puis extrêmement loufoque comme film. C'est pas une parodie, mais ça fait référence à des films un peu, mais c'est très vaguement, puis c'est beaucoup dans la comédie, ça joue, c'est très très très comique, oui. Le film, là, c'est pas sérieux, là, t'sais. Non, tu vois qu'Avadé, c'est ça qui est le fun, exactement comme tu dis, puis là, justement, là, un coup que la mère, elle se fait mordre, c'est quand elle commence un peu l'action, veut pas, puis la façon qu'elle dépérit. Oui. Puis que là, son fameux couple de la Ligue des femmes, la présidente de la Ligue des femmes qui vient avec son mari. C'est drôle, cette scène-là. La scène de repas, c'est drôle. Elle est là, elle est tout en train de elle est même plus qu'elle va te parler comme du monde, puis sa face est en train de s'arracher. Alors, puis c'est qu'elle a pu arvoler dans le... petit pudding du monsieur qui mange ça puis qu'il a l'air à tellement trouver ça bon. Ah, c'est dégueulasse. Tu le vois, ils sont plus envolés, puis tu vois qu'il voit rien, puis toutes les autres le voient. Ça tu vois sa bouche en gros plan, là. Puis... oui, encore une fois, le jeu de caméra est le fun, parce que ce qu'on voit, tout est le fun, puis tout te porte à te dire non, il ne mangera pas ça, non, il faut qu'il se rende compte, il voit ça, non, puis là, il mange, puis tout avec la saveur, il est tout... Tu le vois qu'il mange avec appétit, puis il est content. Fait que ça... non, j'ai trouvé ça... non. Mais... juste le revoir, je savais ce qui s'en venait, mais j'ai trouvé ça dégueulasse encore. J'aime beaucoup, beaucoup la femme qui fait la mère, moi, je trouve. La mère de Lionel est vraiment bonne, puis j'adore ce personnage-là. C'est un personnage qu'on aime détester. Là, exactement. Oui, elle est très bonne, parce qu'on la hait. Elle tape ses nerfs. Et on dit, ah, pas la vieille fatigante chialeuse qui va empêcher son fils d'avoir une blonde, oui. Parce qu'il veut se la garder à elle seule. Puis on apprend plus tard qu'est-ce qu'il y a aussi, tu sais, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi qu'elle a tant surprotégé son. Autant vivante que dans toutes ses étapes de zombification, je l'aime. Là. Je l'aime vraiment dans tout. Pas dans le sens que je l'aime, comme j'ai dit, là, j'aime la détester, mais c'est ça. J'aime l'actrice, j'aime le personnage, j'aime sa relation avec Lionel, comment est-ce qu'il est pogné par sa mère, tu sais, puis. Ça, moi, personnellement, ça vient plus me chercher, ça vient plus m'intéresser que l'histoire d'amour. Là, on sentait que sa maman elle a tellement de pouvoir sur lui, c'est assez fascinant. T'sais. Dès qu'elle dit quelque chose, dès qu'il se passe de quoi, Lionel! Puis... Lionel! Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça, oui. T'as pas vu le film, tu peux pas commenter. Puis... Et dès qu'il l'entend, il court tout de suite. Tu sais, quand il est avec Paquita, Manu, elle vient porter les trucs à la maison. Puis tout de suite, sa mère l'appelle, puis il court. Puis, Tout de suite. Puis tu vois qu'elle s'en rend compte, elle aussi, pareil. Puis tu vois que ça la gosse. Oui. Puis c'est fou, là. Tu sais, comment est-ce qu'il s'empêche de vivre, dans le fond, à cause de sa mère. Mais tu sais, c'est au point que sa relation est malsaine. C'est là que quelqu'un décide qu'il les garde tout, tu sais. Puis qu'on se rend compte qu'il les a tout gardés dans son sous-sol. Oui. Puis qu'avec du tranquillisant, il réussit à les tranquilliser un peu. Qui est pas du tranquillisant. Ben non, c'est pas ça, c'est pas ce poste-là encore. C'est ça. C'est plus tard. Ça, au niveau tranquillisant, c'est correct, ça marche. Oui. Ouais, puis juste une petite parenthèse. On sait pas à quelle époque ça se passe. C'est dur, hein? Parce c'est que très c'est stylisé, années 50. Je trouve les voitures, tout, c'est très stylisé de cette époque-là. Ouais, mais je pense qu'au début... qu'ils disent, je pense que c'est en 1957, si je ne me trompe pas. Ah, c'est marqué. Ok, j'ai pas remarqué. Oui, peut-être. Au début du film, qu'ils disent, il me semble que c'est ça. Puis que okay. J'avais revu sur Wiki un peu la description. Ben là, oui, je devrais checker. C'est carrément ça, je pense. 1957, je vais avoir l'air intelligent, là, mais... Bravo, t'as raison, 1957. Yes. La première chose qu'ils disent dans le résumé de Wikipédia, tu sais, j'ai pas regardé comme du monde. Ah, ça, fuck. C'est la bière. C'est la bière, oui. Mais oui, mais c'était carrément ça. Mais tu voyais que ça, c'était quand même crédible, parce que c'est ce que ça donnait aussi comme visuel, comme... J'ai eu l'impression au début du film, quand on voit des tramways, qu'il y a une couple de shots que c'était des tramways miniatures, que c'était des... Oui, j'ai vraiment ce feeling-là. Pas la première fois que j'avais vu, mais hier, oui, quand je l'ai réécouté. Oui, hein. J'accordais vraiment, je me disais, astique, que ça a l'air... C'est juste un petit affaire miniature qui est filmé puis qui l'ont grandi. Parce qu'il y en a que c'est des vrais dans la rue, ça se voit, il y a du monde puis tout, mais quand il débarque, oui, quand ouais. Manny, il est dans un puis... débarque, ça oui, mais sinon, je suis sûr qu'il y a des fois que ça va être de la trop maquette. Ok, je suis pas fou. C'est clair. Non, j'ai vraiment ce feeling-là aussi. Au moins deux, trois fois, là, des où est-ce qu'on y avait juste un paysage, puis mettons justement le tramway qui se promenait, où là, ça avait pas l'air vrai. Ou l'avion, maintenant, même au début, j'ai l'impression des fois que c'était pas. Ah, l'avion, oui, oui, oui. On voit quasiment les fils, là, tu sais, maintenant, je pense. Il y a quelque chose, puis c'était peut-être voulu aussi, tu sais, il a peut-être fait exprès pour rendre ça encore plus. Ben pour garder l'aspect fait un peu broche à foin, fait un peu chez eux, tu sais. Quoi que ça a coûté quand même 3 millions comme film, je suis en train de remarquer ça sur Wikipédia, là, mais... Ouais, 3 millions, en sang, en faux sang. C'est... Tu vois qu'il y a danger, il y a tellement utilisé de faux litres de sang pour ce film-là, c'est pour Mais tu sais, c'est juste son troisième film. Il a fait Bad Taste, son premier film en 89, 90, je pense. Mais ça, Bad Taste, il l'a fait genre en 4 ans, il l'a juste fait les fins de semaine, si je ne me trompe pas, puis... Parce qu'il fallait qu'il fasse. C'était juste là qu'il y avait ses acteurs. Je pense que le monde était disponible et qu'il faisait vraiment ses broches à foin au bout de comme film. Après ça, il a fait les Feebles, son film de marionnette, mais vraiment crasse, là, vraiment dark comme film. Là, puis ça, je sais pas quel budget qu'il avait. Il a rendu son troisième film à 3 millions, c'est quand même pas si pire. Quand même. Puis c'est ça qui est fascinant de savoir après, parce que du coup, Peter Jackson, ça me disait absolument rien. Là, qu'on avait après, qu'est-ce qu'il a fait? King Kong, Le Seigneur des Anneaux, puis là, plus récemment, la série des... Le Hobbit. Tu sais, tout ce qu'il a fait après, puis tu imagines, c'est lui, c'est le même réalisateur, c'est Peter Jackson, puis tu vois le film qu'il a fait, puis c'est le fun de savoir que c'est lui qui a fait ce genre de film-là après. Ça fait penser un petit peu, c'est un peu spécial dans son genre, puis c'était pas nécessairement son style non plus, à Josh Whedon, quand il a fait Cabin in the Wood. Oui. Ça, c'est le fun aussi. C'est, ben oui. Un peu, c'est pas mal le fun. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu choisir aussi. Un autre épisode plus tard. Mais Brain Dead, c'est vraiment, ça m'a marqué la première fois, justement, tout le long. Puis tu sais, qu'on voit justement, comme on disait, on t'est rendu que là, la mère s'est fait mordre. Là, il les a gardés. Mais là, on voit que là, maintenant, il amène l'infirmière. Puis là, c'est, tu vois que c'est loufoque cette scène-là. L'infirmière qui arrive pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec. Elle se fait mordre, elle se transforme aussi. Pendant ça, là, Paquita, est en train de ramasser Paquita. Les effets personnels de sa mère pour l'amener à l'hôpital. Oui, elle est super serviable, en plus, Paquita. Elle est super gentille, tu sais. Oui. Même quand la mère se fait mordre au zoo, elle propose de l'aider, puis dit « Non, c'est beau, je m'en occupe », puis elle est super gentille, là. Oui, ben moi, je trouve, dans le fond, c'est que, tu sais, la personnalité qu'elle a, puis oui, à ce niveau-là, j'ai été interrompu un peu par ma blonde tantôt, parce qu'elle pensait que je parlais d'elle, mais effectivement, quand je regarde le personnage de Paquita, puis je vois un peu la joie de vivre de ma blonde qu'elle a, puis qu'elle est souvent de bonne humeur, puis contente, puis joyeuse, puis elle me fait penser un petit peu à ma blonde à quelque part aussi. Tu sais, son c'est folle! Elle est belle, puis tu sais, c'est le fun aussi de voir les émotions qu'elle a à travers le film aussi. Tu sais, on sentait que c'est pas la meilleure actrice au monde, mais il reste que c'est le fun pareil, tu sais, avec son petit Lionel, comment est-ce qu'elle réagit, ah, les faces qu'elle fait par rapport. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Paquita? Paquita, ben c'est ça, comme je te dis, moi, la romance, je la vois avec des yeux d'adulte à stop. Je trouve que c'est écrit très. C'est très naïf comme relation, puis c'est très. C'est des personnages en. Des personnages en unidimensionnel un peu, tu sais, c'est comme, lui il est gêné, il est ci et ça, puis elle a ses caractéristiques, c'est comme, ils sont pas vraiment super développés les personnages, mais sont sympathiques, sont bien joués, surtout lui, là, mais Non, je la trouve sympathique, Paquita. J'ai rien à y reprocher. C'est juste que, tu sais, c'est ça, c'est pas un film qui va développer ses personnages à fond non plus, là, tu sais. Ils sont là pour servir de chair à zombies plus tard ou quelque chose comme ça, tu sais. Non, ça, c'est sûr. Mais il y a des personnages tellement colorés, tu sais. Le prêtre et tout ça, on y arrive, là, tu sais, on est arrivé là, tu sais, les funérailles de Vera et tout ça. Puis toute l'embaumeur, puis toute cette scène-là, tu sais, l'embaumeur qui arrive, puis il a laissé le corps quelques instants, puis il revient, puis le corps est en train d'exploser à cause du produit d'embaumement, là, tu sais. C'est épouvantable. C'est encore dégueulasse, puis c'est drôle. Puis le moment malaisant, tu sais, là, le prêtre qui cherche Lionel, qui est pas là pour le funérail de sa mère, on le cherche. Lui, on se doute où ce qu'il est. Il est évidemment en train de chercher le corps. Parce que c'est très bien que le corps est probablement pas mort encore. Et qu'il veut le tranquilliser. Là, il veut le tranquilliser. Et la fameuse scène super malaisante. Parce que là, qui arrive avec sa mère. Puis, tu sais, de long qu'on n'a pas parlé encore, mais qu'on avait un petit peu arrivé avant, qui se met à rire. Puis, effectivement, ça en est tellement ridicule que ça en est drôle. Là. Puis, c'est le fun. Ça, c'est le genre de la scène, le fun. C'est un malaise, mais en même temps, tu ris un peu comme l'oncle qui est un peu foucave, qui se met à rire comme un épingle. Puis tu te mets à rire un peu comme lui parce que ça en est tellement ridicule. Mais juste de penser à la scène, c'est malaisant au bout, mais c'est drôle comment est-ce que c'est amené. L'oncle, il me fait pas triper comme personnage. C'est sûr qu'on n'est pas supposé l'aimer, là, mais c'est un gros écœurant avec des cheveux à la Elvis, un peu des faux cheveux qu'on va apprendre plus tard, mais ouais. Des boutons en face, il est vraiment dégueulasse. Là. Oh oui. Puis en plus, il essaye de se faire la petite Paquita. Oui. Non, il est tout de détestable. La seule chose que j'aime de lui, c'est sa scène à lui qui dure à peu près 5 secondes et qui est tellement le fun. C'est qu'il se met à décapiter. Oui. Ça, qu'on le voit juste lui, puis qu'il y a une scène, puis qu'on dit avec deux couteaux qu'il est viré fou. Ah, c'est malade. C'est vraiment drôle. Ça, là, ce 5 secondes-là, il est vraiment le fun. Puis tu dis là, il tripe en train de charcuter plein de zombies en même temps. C'est le fun. Mais à partir... C'est le genre de scène de fun comme ça. À partir des funérailles et tout ça, puis là, on arrive au prêtre qui va battre les adolescents. Puis tout là, ça va dégringoler après ça, le reste du film. Là, ça devient. Ah oui. Ça devient complètement fou, là, tu sais. Puis on peut s'attendre à tout, là. Tout peut arriver dans cette film. Ah, c'est incroyable. T'sais. C'est de pire en pire tout le temps. Mais on n'a pas parlé t'as parlé de l'infirmière tout à l'heure qui est morte, puis tu sais. A fini par avoir du sexe avec le prêtre à un moment donné. Oui. Le prêtre qui est mort, tu sais. Non, c'est... Puis ça devient du gros n'importe quoi. De ça, cette là, séance de fourrage, là, de sexe-là, va naître dans le sous-sol. L'infirmière va donner naissance à un bébé zombie, mais qui est vraiment sympathique, le bébé. Ah, puis qui est laid. Ah, il est vraiment laid. Puis il est drôle. Il est toujours en train de ricaner, puis il est vraiment malfaisant. Là. Non, puis ça, c'était trop. Pour le fun aussi, ça ajoute tellement. Puis la fameuse scène dans le parc avec le bébé, il a la brillante idée d'aller promener son bébé monstre. Ben oui. C'est drôle, c'est drôle. De voir la réaction des femmes qui sont là avec les petits-enfants, puis que là, ils voient lui qui brasse. Comment est-ce qu'il brasse à un moment donné pour le calmer? C'est n'importe quoi. Du vin, voyons donc, puis qu'il pitche à terre, puis qu'il donne des coups de pied. C'est... Tu sais, moi, je riais. Je me souviens comment je riais la première fois. Je riais encore, peut-être pas autant qu'avant, parce qu'on a tellement vu et d'après, depuis, mais c'est le fun. C'est des scènes le fun. C'est drôle. Tu vois les réactions du monde, comment est-ce qu'ils capotent, puis qu'ils sont découragés de voir ça, puis que ça les décourage aussi, mais que c'est drôle parce qu'on sait que c'est un putain de zombie, ce bébé-là, là, puis qu'il est juste avec ça, puis qu'il veut manger n'importe qui. Fait qu'on le comprend qu'il fasse ça, mais. En même temps, c'est juste drôle de le voir aller dans son petit costume, puis il est juste drôle. Ah non, il est vraiment drôle. Ça a amené beaucoup aussi, ce petit bébé-là. Sur Wikipédia, ils disent que c'est la dernière scène du film qu'ils ont tourné. Ils avaient fini le tournage du film tel que prévu, puis ils n'avaient pas inclus cette scène-là. Ils ont fini tout le reste du film, puis ils ont fini avant le temps qu'ils avaient prévu, sur l'horaire, puis tout. Puis là, il restait de l'argent, puis tout. Fait que Peter Jackson a dit, ben, on va faire cette scène-là dans le parc. Il l'a comme, je pense qu'il l'a improvisé, ou je sais pas trop quoi, là. Puis ça reste sa scène préférée à lui du film, tu sais. Ah, c'est bon, j'ai aucune idée de ça. Puis une chance qu'il l'a, parce que oui, ça ajoute au bout. Puis c'est ça que j'aime de ce film-là. C'est que dès que ça commence, on sait pas trop c'est quoi le genre de film au début, comme on dit, avec le singe-roi se mettre à mort. Puis que là, la transformation de sa mère, puis que là, qu'il enjambe d'autres mondes à travers tout ça, qu'ils deviennent des zombies aussi. Puis que là, lui, il se ramasse à toutes les avoir dans la maison en bas, les tranquillisés. Là, tu dis un peu, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait manger? Un nez, ils sont tranquillisés, puis là, il fait manger autour de la table. Puis que l'autre qui a le cou arraché, qu'il faut qu'il ouvre pour la gaver, c'est dégueulasse. Mais c'est le fun aussi, tu sais. Puis que là, c'est le long qui arrive aussi, là, pour aller menacer le monsieur qui veut la. Quand c'est le soeur de sa le frère de sa mère, puis qui veut. L'héritage, il va avoir de l'héritage, puis que là, il entend justement, il entend lui, tu sais. Il entend le prêtre et l'infirmière qui ont du sexe, qui font l'amour. Il réussit à s'en sortir parce que l'autre, il rappelle, ça doit être les films cochant ton père. Là. Ah, je comprends ça, un homme a besoin de. Fait qu'il s'en sort pas mal, mais non, ça, c'est un peu fou. C'est là que tu vois que c'est le fuck, justement, des zombies qui baissent. Là, puis... Mais c'est drôle, tu sais, ça passe bien dans ce film-là. Ça rappelle n'importe quoi en général d'avoir une scène comme ça, mais dans ce film-là, ça marche. J'aime ça l'effet de l'infirmière qui arrache la face du prêtre. Je trouve que c'est bien fait. Puis le prêtre, après ça, le reste du film, il a la face arrachée comme ça. Je trouve que c'est quand même bien fait. C'est le fun. Oui. Non, au niveau, on s'entend qu'il y a des. C'est pas tout. Je connais pas toutes les. Comme le Saint-Jean est un peu drôle, la façon qu'il est fait. Ouais. Il est fait comme... Ah, c'est en stop motion, ça, c'est de l'animation image par image. C'est ça, oui. Et dans le générique, c'est marqué Peter Jackson, qui sont deux à avoir fait cette animation-là, puis Peter Jackson fait partie des deux. Là, c'est lui qui a mis la main. C'est la même chose aussi. Ça doit être le même cas, un peu, j'imagine, avec sa mère à la fin, là, la dernière transformation qui est méga grosse. Oui, probablement, oui. Mais quoi que, sur le toit, ça a l'air d'être un costume, ou je sais pas. Je sais pas comment c'est fait, en fait, je me suis pas posé la question. Puis quand je l'ai écouté cette semaine, il était genre 1h, 2h du matin, puis je l'ai regardé vraiment tard le soir, puis j'étais comme... Ben, comme toi, dans le fond. Moi aussi, j'ai écouté tard. C'est ça, puis j'étais... Vers la fin, j'étais à moitié réveillé, là, mais tu sais... mais je me rappelle, là, tu sais, je me rappelle. Je me suis pas posé la question comment c'était fait, en fait. Je devrais le savoir, mais je me suis pas posé la question. Mais... C'est ça que j'aime, c'est qu'il y a plein de choses comme ça, puis il y a des scènes qu'on est... Tu sais, des fois, tu dis que c'est comme trop gros, ça fait aucun sens, justement, la scène de l'accouplement de deux zombies. Mais dans ce film-là, ça marche. Ben oui! T'sais, ça marche, puis comme tu dis, là, c'est dégueulasse, il veut les enlever, puis l'autre, il arrache la moitié de la face, puis elle mange la peau, c'est dégueulasse. Mais c'est drôle, pareil, tu sais, c'est ça qui est fascinant, c'est comme deux émotions tout le temps, tout le long. Tu ris, puis tu trouves ça dégueulasse. Puis ça, ben, c'est ça qui est le fun aussi, pas mal. C'est pas vraiment épeurant. Il y a des scènes, peut-être, ben, non. Peut-être qu'à l'époque, quand je l'avais vu, peut-être des toutes scènes, j'avais pas, sans avoir peur, mais... Non, c'est pas un film qui fait peur. Non, ça fait pas vraiment peur. Ça reste que c'est de l'horreur, dans le sens où il y a des zombies, il y a des créatures qui font partie du folklore, font partie de ce qui est, ce qu'on considère épeurant, mais c'est pas épeurant comme film, tu sais. Non. Ça, je disais, c'est pas nécessairement une parodie. C'est marqué parodie sur Wikipédia, mais c'est plus... c'est une comédie gore. Oui. Puis ça, pour être gore, ça l'est pas à peu près. Ouais, rendu là, ça commence... C'est ça, Manic. Puis comme tu disais, là, on en est là pas mal, là, le bébé vient au monde, il promène, là, il ramène. Puis là, c'est pas mal quand l'on arrive, justement, puis que là, il décide... Que là, il fait un party. La maison. Oui, puis là, il amène tous ses amis. Là, le gros party, l'open house. Ils savent pas encore qu'il y a des morts dans la maison. Là, tu sais. Non, mais non, ça, on là. S'imagine, nous, très bien que ça va probablement dégénérer parce que là, on est habitué tranquillement. Comme au début, t'sais, ça commence tout tranquillement. Tu as du gore tout le temps, mais t'sais, de plus en plus, puis là, tu te dis, ça va dégénérer, ça va être l'enfer, puis effectivement, c'est exactement ce qui arrive. Là, la déchéance, quand il s'est trompé, justement, Lionel, en pensant qu'il donnait du poison, puis on essaie de nous faire une scène un peu dramatique, là, parce que là, il faut qu'il tue comme sa mère, puis que là, Paquita est là pour le consoler. C'était du stimulant à animal, quelque chose comme ça, je pense. Puis comme stimulant à animal. Ce qui marque sur Wikipédia, c'est vu qu'ils sont faits morts par le singe, mais c'est un animal, ben, tu sais... Ça a augmenté, j'imagine, leur capacité. Puis tout, on les voit qu'ils deviennent des super zombies. Puis qu'ils sortent de terre. Puis que là. Quand ils défoncent la porte du sous-sol, moi, le premier qui meurt, ça me fait tellement rire, tu sais, cette scène-là, qui se fait arracher la cage thoracique. Moi, je me rappelle très bien de ça. C'est incroyable. Le 20 ans, quand je l'ai vu, je me rappelle très bien cette scène-là. Ça m'avait. Je trouvais ça vraiment fort. Tu sais, c'est bien fait. En même temps, tu y crois pas. Parce que, oui. Tu y crois pas parce que tu sais que ça se peut pas. Tu sais, le gars, il resterait pas conscient. Là, tu sais. Mais c'est juste qu'il est là, puis il regarde ça, puis il capote. Là, tu sais, puis... Oh ouais, non, c'est le fun. Tu sais. Oui. C'est dégueulasse, c'est fou, mais en même temps, c'est le fun. Puis là, c'est pire en pire. L'autre se fait arracher la peau de la face. Ah, ça j'allais dire. C'est que j'aime ça aussi. C'est fou. Puis il y a plein d'affaires C'est incroyable, les arrachages de bras, de jambes, de ci, de ça. L'autre, il y a la moitié du corps, le zombie qui perd ses jambes. Puis il continue tout le temps. Il y a le Kenny, le zombie Kenny. Oui. C'est lui qui va finir par perdre ses intestins et tout, là? Oui, c'est lui qui perd ses intestins puis se fait arracher la moitié du corps. Puis que là, il devient un genre de Kenny. Puis les intestins vont prendre vie, eux autres. Oui, puis qu'ils prennent vie aussi, que ça a l'air d'un genre d'alien un peu bizarre. C'est genre, c'est son rectum accroché à ses intestins, je ne sais pas trop quoi, là, qui va... Qui va péter une coupe de fossé, il me semble. Oui, oui. Bon, oui. Voilà. Ben, ça prend toujours des jokes de pète, hein, mais... Ben oui, au travers de tout ça, je voulais savoir ce que tu pensais du flashback et de toute l'histoire avec le père à Lionel. Qu'est-ce que ça t'intéresse, cette histoire-là? Est-ce que... Ben, ça va chercher un peu plus de profondeur au niveau quand même du personnage de Lionel, parce que là, on comprend que le gars, il s'en veut. Tu sais, ça, c'est quand ils sont au zoo, justement, au début. Première fois qu'on a le flashback. Puis là, il regarde comme dans l'eau, il y a un petit étang, puis là, il voit le flashback. Puis là, qu'il raconte tout de suite dans le fond à Paquita, qu'il demande ce qui se passe, puis là, il raconte ça, puis c'est triste, c'est un horreur, c'est un drame. Dans le fond, il a vu son père mourir. Il a vu son père mourir, puis là, selon sa mère, ce qu'il avait dit, ben, c'était de sa faute à lui, parce que c'est lui qui se noyait, supposément, puis que là, son père, dans le fond, a voulu le sauver, puis c'est lui qui est décédé, finalement. Fait que là, en plus d'avoir perdu son père jeune, il pense que c'est de sa faute. Puis tu sais, fait qu'il a toujours resté avec sa mère a dû lui dire, oh, moi, je t'aime pareil, mon amour, puis on va être là. Puis dans le fond, on sait très bien que c'était pas ça à la fin. Mais c'est le fun pareil, ça, parce que malgré tout, c'est ça qui... C'est la profondeur qu'il va chercher dans différents éléments qui fait que ça rend ce film-là probablement unique. Parce que oui, c'est un film de zombies, il y a beaucoup de gore, oui, c'est loufoque, oui, c'est drôle. Mais en plus, il y a une petite relation cucu d'amour entre Lionel puis la fille. Il réussit à amener quand même un peu d'amour là-dedans. Un petit peu de drame sans être très dramatique, mais quand même, ça, c'est une pensée quand même assez dramatique, tu sais, quand il raconte cette histoire-là. La relation avec sa mère, qui se développe, puis qui est triste quand à la fin, il va comme falloir qu'elle tue. Puis tu le sens qu'elle a l'air triste, malgré qu'elle est dégueulasse, c'est épouvantable, c'est un monstre. Oui. Il l'aime encore, tu sais, c'est sa mère. Puis juste les fois qu'il met des tranquillisants, qu'il s'en sa grosse seringue, puis qu'il rentre dans le nez ou dans l'œil, puis tout. Même si c'est des zombies, des monstres, ça fait mal. Oui, ça, je suis d'accord. C'est pas le fun, tu sais, on se sent pas confortable qu'on voit ces scènes. Puis tout ça qui a amené, puis il a amené beaucoup quand même dans ce petit film-là, d'une heure et demie à peu près, grosso modo, c'est 1h35. C'est vraiment pas long, là, oui, c'est ça. Fait que c'est comme tu disais au début, c'est dynamique, ça passe vite, c'est un très, très, très bon divertissement. Tu sais, tu t'assis, t'as pas à trop te casser la tête, puis là, ben, on comprend un petit peu, ils font quand même une petite histoire avec son histoire du passé, que là, ils se rencontrent plus tard dans le grenier de la maison, qu'ils découvrent là, un coffre, puis que finalement, il y avait le corps de ce qu'on a compris, c'était la maîtresse, dans le fond. Son père, ouais. La maîtresse de son père, il a vu les photos, puis là, il s'est bien rendu compte, sa mère, c'est elle qui a tué son père, puis... Puis que tu es la maîtresse aussi. Puis que tu es la maîtresse. Fait que c'est là aussi, probablement, que là, il prend conscience que là, regarde, là, tu n'as plus de sens. Non? Toute sa vie, dans le fond, il s'est fait mentir par sa mère. Il s'est senti mal toute sa vie. Puis, tu sais, il n'a probablement jamais été heureux. Ouais, il avait besoin de ça pour se libérer de l'emprise de sa mère, je pense. Je pense que oui. Tu sais, on le voit à la fin, là. Puis, quand elle reprend en elle, puis qu'il ressort avec le petit peu de sang qu'on voit sortir de là. C'est épouvantable. Ça, c'est fou quand même, les images que ça crée. C'est faut qu'il rentre dans sa mère pour pouvoir s'en sortir de sa situation. Faut qu'il rentre puis qu'il ressorte de sa mère pour... Oui, c'est fou. Il y a quand même quelque chose. Là. Puis c'était voulu, c'est sûr. Là. C'est comme si justement qu'il renaissait à nouveau puis oui. Comme un nouvel homme. Là. C'était sa façon de pouvoir enfin se sortir de l'emprise de sa mère. Parce qu'on le voit, c'est ça qui est fou. Puis c'est ça qui fait que c'est quand même crédible, que son personnage est crédible à Lionel, parce qu'il était tellement prisonnier, dans le fond, du fait de l'emprise de sa mère, sous l'emprise de sa mère, que même qu'un coup transformé, puis même qu'elle a mordu du monde, puis qu'elle a transformé d'autres personnes, il est là pareil encore, comme pour la protéger, puis la couvrir, puis la sécuriser, la mettre en, dans le fond le moins possible avec les autres, même lui s'empêcher de vivre son histoire d'amour avec Paquita pour être encore là pour sa mère. Même si ça fait aucun sens, puis tu sais, on le voit que c'est ridicule, mais tout le temps là, puis c'est vraiment la fin que là, enfin, il réussit à s'en libérer d'une façon assez particulière. Avec le fameux. Moi, il y avait le fameux médaillon, là, un peu symbolique, oui. Là. Puis qu'il avait dans le fond la même forme que la grand-mère à Paquita lui avait dit au début, là, tu sais. C'était la même chose. La même forme. Je vais revenir sur les scènes de gore, puis tout ça, on va en parler, mais je voulais. Tu sais, c'est. souvent les grandes œuvres, je me rends compte quand j'y pense que ça fait. Les grandes œuvres, souvent, vont parler de l'artiste face à ses parents, mettons, ou face à ses relations amoureuses, ou tout de même. Tu sais, je pense à Roger Waters de Pink Floyd à l'époque qui avait écrit The Wall, mais The Wall, ça parle juste, genre, tu sais, tu lis le texte, tu écoutes l'album au complet, c'est juste, ça parle de ses parents, ça fait juste critiquer sa mère, puis son père, puis les parents, puis tout ça, puis les adultes, ou... Moi, un de mes albums préférés, c'est Tommy de The Who, où qui fait juste critiquer les adultes aussi, la génération de ses parents et ses grands-parents, parce qu'il et ça parle ça parle de viol, en fait. À un moment donné, il y a quelqu'un, un personnage adulte qui viole un enfant dans Tommy, tu sais, puis dans une des chansons, puis Townsend, le membre de The Who, s'est rendu compte plus tard, en faisant des séances de régression par hypnose, tout ça, il s'est rendu compte qu'il s'était fait agresser par sa grand-mère quand il était jeune. Fait que tout ça... Il avait créé ça plusieurs années auparavant, Tommy, mais c'était son inconscient qu'il fallait parler de ça. T'sais. Peut-être que Peter Jackson règle des problèmes avec sa mère dans ce film-là, peut-être. Je sais pas, là. On ne sait pas, mais effectivement, les parallèles sont quand même intéressants. Puis c'est sûr qu'on n'est pas dans la peau des réalisateurs. Non. Puis tu sais, ils peuvent pas nécessairement, ils peuvent cacher des choses, pas nécessairement toujours tout nous dire. Mais ça se pourrait très bien parce qu'on s'entend qu'il y a vraiment une relation. C'est très important dans le film. T'sais, malgré justement, tu vois, malgré que c'est un film de zombie gore, ben, il y a quand même une relation mère-fille, qui est, mère-fils qui est très, très importante. Puis ils gardent ça tout le long. Hein. Ils perdent jamais de vue la trame narrative. Ils perdent jamais de vue le personnage. Puis qu'est-ce qu'ils ont comme but dans la vie, c'est d'être ensemble. Puis de. T'sais, Lionel, ouais. T'sais, toute cette histoire-là aurait pu se perdre là, dans le brouhaha de la fin. Là, t'sais, puis ça aurait juste viré gore. Puis on se fout des personnages. Souvent, ça arrive. Tu vois des films. Puis. Tu fais, OK, les personnages, ils ont oublié un moment donné. Oui, on dirait qu'il y a comme enlevé de l'importance pour mettre plus sur ce qu'on voit, l'action, puis tout ça. Ouais. Mais là, ça est resté toujours les deux personnages importants, Lionel, Paquita, jusqu'à la fin. Puis c'est ça qui est le fun, ça finit bien, un petit clin d'œil à la fin, ils s'en vont ensemble. Puis... C'est ça qui est le fun, oui. Comme tu dis, ça n'a pas perdu. C'est ce qui fait, je pense, parce que. Il aurait pu être reconnu comme un film, justement, gore, ou ben, c'est pas mal comme ça, je pense qu'il l'est, là. Il y a tellement gore, tellement eu de sang dans ce film-là, puis je sais, on n'a pas parlé, mais la tondeuse. Non, on va Lionel en parler. Lionel arrive avec la tondeuse. On va parler de on va parler des affaires qui se passent. On va checker, on va parler de nos préférés, là, des affaires qui se passent dans la maison, parce qu'il y en a tellement, là. Ah, c'est incroyable. Mais non, c'est comme tu dis, où c'est que tu t'en es avec ça Non, je sais plus qu'est-ce que je voulais rajouter, mais. Mais non, mais c'est ça, tu sais. On perd pas le fil des personnages. Non, c'est ça. Je me rappelle de Stephen King. Je pense que c'est Stephen King qui disait à un moment donné, il dit. Quand t'écris de quoi, écris sur ce que tu connais, tu sais. Écris sur ta famille, sur ton environnement, sur ton métier, ou peu importe, tu sais. Essaye pas d'inventer des histoires d'affaires par rapport que tu connais pas. Quelque chose que t'as jamais vécu, effectivement, c'est vrai que c'est plus difficile de. J'imagine, c'est de créer une œuvre où tu vas réussir à faire passer l'émotion que tu veux qu'il passe. Surtout si tu l'as jamais vécu toi-même. Quand tu as vécu quelque chose d'intense, qu'il soit positif ou négatif, ça t'a marqué. Fait que c'est sûr que tu es mieux placé déjà en partant, tu es plus crédible parce que tu l'as vécu. Fait que, fort probablement, comme tu dis, puis ça se pourrait très bien qu'un parallèle à faire entre peut-être ce que Peter Jackson a vécu avec sa propre mère ou des gens proches de lui qui a connu, qui ont vécu ça. Parce que je me souviens pas de l'histoire de Bad Taste ou de Meet the Feebles, ça fait trop longtemps que je les ai vus, mais le film qu'il a fait de suite après, c'est Créatures Célestes avec Kate Winslet, puis c'est l'histoire de deux adolescentes en Nouvelle-Zélande, j'imagine, dans les années 50, qui vont se lier d'amitié, puis que c'est une amitié qui est vue comme malsaine à l'époque, ils sont quasiment lesbiennes, là, dans le fond, ils sont pratiquement lesbiennes. Puis il y en a une des deux qui va décider, à un moment donné, va dire, ben, je pense que, tu sais, nos parents, ils nous haïssent, puis ils nous empêchent d'être ensemble, tout ça, ils veulent vraiment qu'on soit jamais ensemble, fait qu'on devrait tuer ma mère, tu sais. Parce qu'il y en a une qui dit, ma mère, c'est la pire, tu sais, c'est elle qui vraiment qui nous empêche d'être ensemble tout le temps, fait qu'on devrait tuer ma mère, tu sais. Fait que c'est ça un peu leur but dans le film, je veux pas rien révéler de ce qui se passe à la fin, mais c'est. Moi, ça reste mon film préféré de Peter Jackson. C'est vraiment un film écœurant. Là. Puis c'était comme un des premiers grands rôles de Kate Winslet. Puis c'est écœurant comme film. Mais c'est ça, encore là, c'est un problème de parents. T'sais. Fait que je sais pas si c'était dans sa tête tout le temps, Peter Jackson, ou si c'est juste une coïncidence. Là, mais Ah, c'est ça. Mais comme tu dis, pourquoi il est arrivé, dans le fond, de nous chercher quand même avec des films qu'à la base, que tu regardes, c'est pas nécessairement des grands films. C'est pas considéré, je pense pas non plus, comme des grands, grands films. Non. On s'entend, en tout cas, Braindead était vraiment considéré un peu tout ce qui a amené, ça a été particulier. Chez Kegongi, je pense que j'ai vu des prix à des festivals, probablement plus style Fantasia, j'imagine, dans ce genre-là. Sans être Fantasia lui-même, là. Je ne sais même pas combien de temps que ça existe. Je pense pas que ça existait encore à cette époque-là, Fantasia. On sentait que ça aurait été la bonne place pour le présenter. Non, il a gagné des Avoriaz, le festival Avoriaz, un festival à Amsterdam, des trucs comme ça, la Nouvelle-Zélande. Ouais, des trucs comme ça, là. Sur Wikipédia, on peut trouver les différents prix qu'il a gagnés. Mais... Ah, il a marqué, c'est vraiment un film. Tu sais, justement, au-delà de tout ça, ben, il y a quand même une histoire, il y a quelque chose, il y a des personnages. Il évolue aussi quand même un peu à travers le film, puis à la fin... Puis c'est ça qui est puis, fun, c'est ça. Puis on a quand même un gore fest à la fin. Quand même, c'est le bordel à la fin. Là. C'est, puis ça reste c'est encore 22, 25, 20, 24 ans plus tard. Ça reste encore un film crissement efficace niveau gore. Là, ah, c'est oui. Mais je pense qu'un jeune qui veut du gore dans un film là, regarderait ce film-là pour la première fois. Je pense, là, peut-être que je me trompe. Mais je pense qu'il y aurait son quota de gore. Il serait content, là, tu sais. Tu peux pas être déçu. C'est, quelqu'un va me dire qu'il est déçu du gore dans ce film-là, mais non, ça se peut pas, là. Tu vas voir des scènes, des fois, un peu semblables. Mettons qu'au début, on coupe un bras, des choses comme ça, mais t'en verras pas 50 dans un film. Mais lui, il met toujours ça. Il pousse ça encore plus loin tout le temps. Puis c'est ça qui est intéressant. Plus ça monte jusqu'au party à la fin, justement, parce que là, c'est la déchéance totale. Il y a toujours, c'est toujours de plus en plus comme dégueulasse. Soit que c'est dégueulasse parce que c'est question de manger, quand il mange, l'oreille tombe de sa mère dans son bol. Là, t'as vu ça en manche à propre oreille. C'est dégueulasse. Ta voix, puis tu montes, tu vois des plans de caméra que tu vois vraiment, là, t'es en train de mâchouiller son oreille. C'est dégueulasse. Puis là, on a la présidente qui a voit ça puis qui capote, évidemment. Mais ça, c'est plus genre au milieu du film. Mais rendu vers la fin, là, t'sais, il se lâche lousse, puis c'est comme, c'est vraiment plus drôle qu'écœurant, je trouve. C'est tellement rendu gros que. Oui, rendu ça devient cartoon que. On dirait que c'est tellement gros que ça fait moins l'effet que du début. Parce que l'effet, comme je dis, cartoon, bande dessinée, on l'a dans un de mes plans préférés. Moi, toi, tu parlais de l'oncle avec ses haches, ses petites haches ou ses couteaux. Moi, une de mes passes semblable un peu que j'adore, c'est quand Lionel essaie de sauver des zombies, puis qu'il fait juste courir sur place dans le sang, il glisse, ça fait tellement Roadrunner, ça fait tellement... Oui, ça, c'est quelque chose, c'est ça fait trop rire, cette scène-là, là. Je l'avais oublié un peu, puis c'est comme, quand je l'ai revu, j'étais mort de rire. C'est long, hein? Oui! Ça dure pas 2 secondes, là, ça... Un bon 30 Mais secondes, ça, c'est bande dessinée, tout à fait. T'imagines ces pattes qui font... qui font juste tourner, c'est... en tout cas... Ah oh oui, non, c'est vraiment drôle, ça. Puis c'est là que c'est quand justement les zombies s'éclatent, puis qu'ils arrivent, puis que c'est la déchéance totale. Puis là, c'est toute la façon que tout le monde meurt un après l'autre. Parce que t'as l'oncle qui sort de la maison, il va se faire attaquer par des zombies, puis il va prendre un Ninja Demon, il va le planter à la place de la tête d'un zombie, des trucs comme ça. T'as aussi Paquita. Il va Paquita, les foirer, lui, après. T'as Paquita, puis une autre fille qui sont dans une autre pièce à quelque part, tu sais, puis aux prises avec des zombies aussi, puis le petit bébé à un moment donné, puis... T'as plusieurs affaires qui se passent. T'en as plein d'affaires qui se passent, là. Puis toutes les gags visuels auxquels Peter Jackson pouvait penser, ils ont toutes mis, là, tu sais. Oui, oh, oui, c'est ça qui est le fun. Parce que, comme tu dis, tu sais, on en voit plein. Puis là, ça ne finit plus, puis c'est un après l'autre. Mais c'est le fun, tu sais. C'est dynamique, c'est la façon que c'est présenté. C'est comme... Tu sais, j'avais l'impression que c'était plus long que ça. Je pense que j'étais jeune, puis je l'avais vu, que ce que j'ai vu là, c'était... pas si long. J'ai l'impression que des fois, c'était plus long, telle scène, tu sais, des fois, la mémoire, on s'en souvient plus trop. Non, c'est rapide quand même. Le rythme est rapide, puis c'est mort après mort, ça après mort, puis arrive ça, puis ça aussi, puis là, il est pogné à Lionel, lui, dans la salle de bain avec le Kenny Zombie, le petit jeune de QX qui s'est fait battre par le curé, là. Oui. Curé qui est bon des arts martiaux, ça, on n'a pas parlé. Non, c'était... La scène du cimetière, t'attends là. T'attends pas à ça, là. Non. T'attends pas que le curé, ça soit un kung-fu, là. ça, c'est le fun comme aussi. Comme tu disais, c'est imprévisible comme film. Oui, on s'attend pas des fois à des choses comme ça. C'est ça qui est le fun. On dirait qu'il a pensé, il a écrit ses personnages, puis toutes les premières idées qui venaient à l'esprit, il a écrit, là, tu sais, puis let's go, on fait ça. Puis on va faire ça, oui, un curé kung-fu. Ah, c'est quand même particulier, là. Puis il est le fun, tu sais. Puis il est bon, puis là, en plus, il meurt un peu bêtement parce que la tête de l'autre arbole. Tu sais, il déchiquette à lui-même, tout seul, avec ses mains et ses bras, il déchiquette un zombie. Mais là, la tête, il part, elle revole, elle retombe sur lui, puis il meurt. C'est une mort assez particulière, mettons, mais c'est drôle, tu sais. C'est... Puis oh non, puis là, il revole, après, il veut il va se faire emparler après ça. Il se fait emparler solide sur une statue. C'est plein d'affaires, puis ça s'arrête pas, puis c'est fun, tout est fun. Le bébé, on l'a parlé, la scène dans le parc. Dans le final, je pense à la femme aussi qui se fait planter sur une ampoule, puis la face y allume, puis... Ah, il y a plein de choses comme ça. T'sais, on peut pas tout se rappeler, là. On essaie de se rappeler, puis c'est comme, il y en a tellement. Il y en a plein. Sur le coup, je le regardais cette semaine, j'étais comme, ah oui, j'avais oublié ça. Puis c'était comme, ah, c'est donc bien hot, ça. Puis... Oui, il y a plein de choses. Puis là, quand Lionel, il est pogné avec le restant de résidus de patentes d'alien, d'intestin, puis de tout. Puis c'est des grands, c'est comme des, en tout cas, qui se fait ramasser. Puis là, il tombe à un moment donné. Ça, c'est spécial. Il tombe, lui, comme du grand. De la salle de monstre qui était, puis tombe comme un peu pendu à l'envers à travers les zombies qui sont là, qui essaient de le pogner. Puis ça a fait en même temps le filage qu'il a pogné sur la fille qui était embrochée la tête dans la lumière. Puis là, ta voix l'a reculé dans le. Il était comme relié dans le. Ouais, fond. C'est le fil électrique, dans le fond, ouais, c'est qui ça. Est pogné là, lui, à merci, dans le fond, des zombies. Imagine la posture assez désagréable que personne ne voudrait être. Puis, les passes de Blender aussi. Les passes de Blender. Le bébé en premier, pour ça, c'est plus tard, il y a une tête. Oui, la tête, justement, la tête à moitié coupée, elle me fait rire. On la voit plusieurs fois dans le film. T'sais. Arrête pas, on la voit tout le temps comme dans les jambes, à un moment donné, carrément, des personnages. Puis, tout le temps là, puis elle peut rien faire, il n'y a plus rien, ben non, il y a juste une moitié de tête. Juste les yeux, puis le dessus de la tête. T'sais. Puis ça, il va se ramasser en Blender, à un moment donné, puis il va comme effoiré dans le Blender. Puis c'est plus en plus de sang. Hein. Tu vois, à la fin... Et tout est dégueu, mais c'est comme il nous prépare. Puis à un moment donné, comme tu dis, ça devient, on en voit tellement qu'on est quasiment immunisé à la fin. Mais là, vu qu'on est comme immunisé au niveau de trouver ça dégueulasse, bien là, il en rajoute plus au niveau du sang. Puis là, à chaque mort à la fin, il y a de plus en plus de sang. Puis là, l'affaire Blender, là, t'as plus de sang. Là, la bébé qui est là, qui arrive avec la tondeuse, bien là, c'est le party, là. Il se met tout à être déchiqueté avec sa tondeuse. Là, puis il passe 2-3 fois, là, tu sais. Ah! Jusqu'au temps qu'il n'en reste plus. Là. C'est épouvantable. Ça n'arrête plus. Il y a du sang partout. Puis il y a des chiquettes. Puis... C'est n'importe. Puis là, c'est la fameuse, justement, la légende des liens de bébite, là, d'intestin qui finit. Puis encore plein de sang. Puis là, on pense que c'est peut-être fini. Mais non. Parce qu'il s'en souvenait, lui, Lionel. Il l'avait pas vu encore. Moi, il reste encore. Ma mère n'est pas sortie, lui. Il avait remarqué qu'elle était pas là. Puis elle a fait pas les choses à moitié, elle sort en grand. Là. Ah, ça, la scène est vraiment le fun quand l'oncle descend, puis que c'est la mère, puis là, il reconnaît sa sœur, malgré que c'est un monstre épouvantable. Puis que là, mais juste avant ça, il est dos, là. Puis il y a la main qui vient, la grosse main qui vient taper sur l'épaule. Oui. Ça, j'aime ça, là. Oui, c'est comme, on sait pas comment est-ce qu'elle est, on l'a pas vu encore. Là, on voit là, après, c'est bien plus. Là, on la voit, puis elle est pas encore par les gosses. Puis lui, on s'entend qu'il y avait pas que toi qui avait foutu un bond de les gosses. Puis il avait mangé d'autres à un moment donné. Là, ça devient comme un running gag. On le frappe toujours au niveau des testicules. Mais c'est mérité. On est bien content qu'elle mange des bons là. Mais elle manque pour, mettons, sa sœur. Puis là, quand on le voit revenir en zombie, comment est-ce qu'il. Mais arrive? Juste avant, tu parles de ça, mais la scène avec l'ombre et tout ça, comment est-ce qu'elle démarre? C'est vraiment trippant, là. Oh, oui. C'est ce que j'aime, l'inventivité visuelle de Peter Jackson. Il nous ennuie jamais dans le film parce qu'il invente tout le temps quelque chose de différent. T'sais. Puis là, on aurait pu voir le meurtre direct à la caméra, mais non, il l'a fait avec en ombre, puis ça marche au bout. Oui, puis ça marche. Puis c'est même plus fun. Puis là, qu'on le voit arriver après, on a vu le genre d'ombre que ça a donné qu'elle l'a tué. Oui. Puis on voit qu'elle a comme arraché carrément toute la colonne vertébrale, dans le fond. La colonne. Puis là, on le voit arriver, la bébite après ça qui arrive. Puis c'est impressionnant, hein? Tu vas arriver, là, c'est bien fait, là, comment est-ce qu'il arrive et tout. Puis, c'est un zombie. Tous les zombies, justement, comment est-ce qu'ils deviennent? Comment est-ce que l'autre avec son nain de jardin, comme tu avais dit, ce qu'il met dans la tête, le bébé. Il y a plein de choses, le fun. C'est pas des genres de zombies qu'on est habitué de voir dans des films qui sont à peu près tous pareils. Tu sais qu'au final, c'est un homme, c'est une femme, ou des fois, ça peut être un jeune enfant qui devient zombie, qui devient un peu laid, puis il arrive ce qui arrive. Tu sais, on voit dans les films, ça ressemble, on veut pas. Mais là, tous les zombies sont la façon qu'il fait mourir, puis qu'il faire venir. C'est le fun. Il y a plein d'autres qui deviennent comme Jay, j'arrête pas de dire Kenny Zombie. Là. Le zombie qui est à moitié le corps arraché, l'autre qui arrive avec la colonne arrachée, puis c'est juste la tête au bout. Le bébé, il y a plein de choses de zombie le fun qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir non plus. Tu dis Kenny Zombie, ça me fait rire parce que je pense que les moins de 30 ans ne sauront pas c'est quoi la référence de Kenny. Ouais, mais nous autres, Kenny, on a connu le petit garçon qui était sur son ski. Puis qui avait juste le haut de son corps dans le fond, tu sais. Eh oui, ça m'a marqué ce film-là, c'est sûr. Bon, on l'enviait pas trop, mettons, Kenny. Hein? Non. Et qu'est-ce que j'avais dit? Ah, je voulais dire de quoi par rapport à tout ce qu'on venait de dire. Ah oui, le film, il vieillit bien, c'est ce que je voulais dire. Oui. Il y a des films des années 2000, des 15-10 dernières années, qui ont moins bien vieilli que ça à cause des effets spéciaux. Et je trouve que les effets spéciaux de Brain Dead vieillissent super bien. Il y a peut-être deux, trois petits accros à des places, peut-être, je sais pas. Là, moi, pas vraiment. Dans ma tête, je suis comme, non, ça vieillit bien. Mais comme on a dit tantôt, que je trouvais au début, tu sais, les petites scènes, ils avaient l'air comme d'une maquette, puis un faux tramway, puis tout ça. Il y a des fois que je trouvais que ça avait l'air un peu plus. En même temps, c'est pour s'amuser, je pense. Peter Jackson rend hommage à des vieux films, tu sais. Je pense que oui. Puis c'est comme tu dis, ça vit très bien. J'avais peur un peu. J'avais quand même des. Tu sais, avant d'écouter, comme on s'est dit au début, ça faisait 15-20 ans, peut-être que je l'avais pas vu. Fait que j'avais quand même un peu une crainte, parce qu'il y a des films, effectivement, que j'ai revus, que j'avais vus quand j'étais jeune, que je me rends compte. OK. Ça m'a marqué dans le fond, je le comprends parce que j'étais jeune. Tu sais, je vois ça aujourd'hui, puis c'est ordinaire. Tu sais, ça m'a bien vieilli. Comme tu dis, les effets spéciaux, ça paraît trop. C'est pas beau, tu sais, visuellement, c'est moyen, c'est pas le fun, puis on est habitué. Tu sais, moi, je trouve que c'est très dommage que pas tous les films, on s'entend qu'il y a, des, quand même des très grands films encore, mais je trouve que c'est bien différent des années 80-90 au niveau souvent des scénarios, de la richesse des personnages et tout ça. Je m'intéresse beaucoup plus maintenant, on dirait, aux séries télé à cause de ça, parce qu'il y a plus de profondeur au niveau des personnages qu'aujourd'hui, que là, tout est mis sur l'avant-plan, le visuel, les effets spéciaux. Ça, c'est spectaculaire, visuellement, c'est incroyable, mais des fois, j'ai la misère à embarquer parce que je ne crois pas nécessairement au personnage qui est là. Puis des fois, c'est des très bons acteurs, comme on parlait tantôt avant de commencer la trilogie de Star Wars, la première. Ben, 1, 2, 3, dans le fond, Menace fantôme, les vieilles affaires, ben, les nouvelles vieilles, en tout cas, on s'entend. L'histoire d'Anakin John, on sait que ça a été filmé devant la plupart des murs verts, contrairement à 4, 5, 6, qu'on sait que c'était plus filmé avec des décors et tout, puisqu'ils ont plus reproduit avec le 7, puis au final, ça marche. On croit plus au personnage, on embarque plus, on s'attache plus à ces personnages-là. Oui. Parce qu'on le croit, ce qu'ils vivent. Mais d'Anakin, Padmé, j'aime bien la misère relation. Puis dans Brain Dead, ben, tu crois à ce qu'ils vivent, justement, ce petit couple-là un peu particulier. Parce que l'acteur, il est couvert de sang, puis ils sont tous couverts de sang, puis ils sont là, ouais, là. Ils vivent. J'ai lu sur Wikipédia, j'avais aucune idée, là, mais j'ai trouvé ça vraiment spécial. Tu liras ça, là, mais Timothy Bond, là, l'acteur qui faisait Lionel, avait jamais vu de film d'horreur avant de faire ce film-là. Ah ouais. Puis l'actrice qui faisait Paquita, elle pleurait devant du sang. Imagine qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Il n'avait jamais vu ce film d'horreur, puis l'autre avait peur du sang. C'est incroyable, là, parce qu'on est dans un film d'horreur. On sait que c'est pas vraiment épeurant, mais ça reste quand même catégorisé, on peut dire, horreur, vu que des zombies, puis c'est très gore. Puis du sang, ben, on s'entend que c'est pas ce qui manque. On en a de l'hémoglobine à pu finir, c'est incroyable. Puis les deux, ils ont très bien joué, je trouve. Tu sais, à savoir ça, je trouve ça le fun, une anecdote intéressante. Parce que j'ai lu ça justement aujourd'hui, j'avais aucune idée de ça, évidemment, surtout pas à l'époque. Mais c'est des choses, des fois, qu'on sait comme ça aussi, qui ajoutent encore plus. Mais comme tu dis, puis je suis d'accord avec toi, ça a bien vieilli, ce film-là. T'sais, j'avais des peurs au début, mais j'ai eu du fun, j'ai eu du plaisir. Mais ça se prend pas au sérieux, c'est ça que j'aime. Oui, ben c'est ça, exactement. Ça, mais c'est je pas le compare un moral, peu... Je le compare un peu à la série des Evil Dead, les trois premiers films des Evil Dead. Pas la série télé en ce moment qui joue, parce que je l'ai pas encore fini, là, mais les trois films des Evil Dead, parce que ça mêle bien le gore puis l'humour, je trouve. Puis Sam Raimi, il est pareil, tu sais, pour Evil Dead, Sam Raimi, il a starté en humour, lui. Ce qu'il voulait faire, c'est des comédies, c'était pas des films d'horreur. Il trippait pas ses films d'horreur. Mais il s'est fait dire par quelqu'un que ses films rapporteraient plus s'il ferait de l'horreur plutôt que de la comédie. Puis qu'il a fait Evil Dead, tu sais, il a fait le premier, puis aussi il a fait le deux. Mais le deux, il a commencé... Dans le deuxième, il a commencé à intégrer de l'humour, tu sais, pas mal en masse. Puis dans le troisième, c'est quasiment juste ça, de l'humour, tu sais. Oui, c'est vrai que le troisième, ça ressemble beaucoup dans la même dynamique, la même, le même esprit un peu, justement. Puis c'est des mêmes années là, que Braindead, tu sais. Ouais. Puis c'est le fun aussi. Oui. C'est d'autres films, on s'entend. Evil Dead, c'est super le fun. C'est ça. J'aime même plus un 2-3 que le remake qui a été fait, là, même s'il y a bien du sang. Non, j'ai pas eu de fun comme dans le premier. Puis dans Les Bons Vieux avec Bruce Campbell. Qui... Non. Il n'y a pas de personnage comme ça qui. Parce que c'est un peu ça aussi, parce que oui, le film peut avoir de très belles qualités visuellement, peut être splendide, peut avoir aucun défaut, peut être superbe. T'sais, au niveau, comme ben, tu le sens encore mieux que moi, au niveau de la technique, que ce soit l'éclairage, les plans de caméra, tout peut être pas mal parfait, que ce soit au niveau des décors, des costumes, de tout. Mais moi, j'en reviens toujours à ça. Moi, il faut que je vive quelque chose. Si je ne vis pas d'émotion, si ça ne vient pas me chercher, peu importe que ce soit quoi l'émotion, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que ce soit de la peur, reste que faux, le spectateur veut vivre quelque chose. Fait qu'un film, il aura beau être parfait visuellement, mais s'il est plate et qu'il amène aucune émotion, c'est pas le fun. Puis ça nous marquera pas. Puis c'est pour ça qu'il y a des grands, il y a bien des films, des fois, qu'on sait qu'ils ont dépensé des millions puis que ça a pas pogné, que ça n'a pas marché au box-office. Puis d'autres, au contraire, qui ont à peu près coûté rien puis qu'ils ont fait un succès incroyable. J'ai juste à penser à Blair Witch Project. On s'est entendu qu'ils ont été morts de rire. Eux autres, avec leur idée, là, tu sais, caméra à l'épaule, super simple, des acteurs pas connus, juste on prend une légende, puis on s'amuse avec ça, puis ça réussit. Puis quand je l'ai écouté, j'ai embarqué, je me souviens que je l'avais vu, je m'étais mis dans le contexte, dans le noir, je l'avais écouté, puis j'ai embarqué dans ce film-là, puis tu sais, j'ai eu peur des bouts, puis tu sais, j'étais stressé, puis je me mettais un peu dans le pot, puis je croyais, dans le fond, tu sais, j'ai cru. C'est pour ça que ça marchait aussi, sinon ça. Puis les autres étaient pas aussi bons. Je sais plus combien ils en ont fait, là. Il y a juste un deuxième, je pense. Juste un deuxième, ouais. Mais, tu sais, le premier, c'est dur, puis on s'est entendu qu'il avait eu la bonne idée, eux autres. Oui. T'sais, on aurait pu faire ça, nous autres, un genre de film comme ça. Là. Ben, c'est ça. Des gens qu'on connaît auraient pu faire un genre de film comme ça. Il fallait juste y penser. Puis au final, c'est pour ça que j'y crois que des gens, tu n'es pas obligé d'avoir des millions, tu n'es pas obligé d'avoir les meilleurs acteurs au monde. C'est une belle histoire. Si tes personnages sont bien dirigés, puis si eux, ils croient eux-mêmes en leurs personnages, puis ils vivent les émotions, puis que ça transperce, puis que nous, on les ressent, ça va marcher. Après ouais. Ça. Ben, c'est à différents niveaux, là, puis différents degrés, mais il y a des films qui nous ont marqué, nous autres, que, probablement, qui sont pas connus, puis que les gens s'en foutent, puis qui sont méconnus du grand public, mais au final, c'est des meilleurs films que ben des films à grand succès, puis c'est qui ont un gros box-office, là, c'est sûr, c'est sûr. Ah ouais, c'est comme je te dis, moi, je suis pas le plus grand fan de la romance dans ce film-là, mais ça, c'est juste moi, tu sais, je comprends ton point de vue, puis je trouve ça intéressant, ton point de vue par rapport à la romance, tu sais, mais j'aime la relation entre Lionel et sa mère, tu sais, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça le fun qui, comme je disais tantôt, il garde les relations du début jusqu'à la fin du film, puis il les perd pas de vue, puis les personnages restent à l'avant-plan quand même, malgré tout le bordel qui arrive dans le film, là, tu sais. Ouais, puis c'est fou, comment ça va virer, tu peux pas croire qu'ils vont survivre à ça, tu sais, à un moment donné, comment est-ce qu'il peut s'en sortir, ça comme plus de sens, tout le monde est transformé, puis là, il arrive avec sa tondeuse, il arrive, c'est ça qui est le fun, puis... Tu veux qu'il s'en sorte au final, t'es juste bien content. Ben, finalement, tu dis c'est une histoire de fou, il y a une sorte d'affaire, puis finalement, ben, au moins ça finit bien, puis là, on part ensemble, puis tout est beau. On a eu du fun parce que là, on a vu plein de sang, puis je me souviens quand j'étais jeune, mais tu sais, je parlais de la romance, on sentait qu'aujourd'hui, je l'écoutais, j'ai pas eu les mêmes effets probablement que quand je l'avais écouté à l'époque. Mais c'est plus que j'ai compris pourquoi il m'avait marqué comme ça. Oui. Puis j'ai compris pourquoi Lionel, le personnage, m'avait marqué, c'est parce que j'étais capable de m'identifier à lui. Mais ça, surtout quand il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis bien différent, mais reste que je me souviens comment j'étais. Mais tu te souviens, ouais, c'est ça. Je me souviens très bien, puis je sais que j'étais un gars très timide, très réservé, très manque de confiance, fait qu'il me rappelait un peu moi. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que j'avais dû accrocher à lui assez rapidement. Non, mais c'est ça, mais j'ai mes propres films à moi aussi où je me suis accroché au personnage. J'ai pas d'exemple vite de même en tête, mais j'en ai parlé dans le podcast puis dans ailleurs. Puis c'est ça, on a tous nos films sur lesquels on a accroché quand on était jeune puis qu'on s'est attaché à un personnage parce qu'on s'identifiait à lui ou à elle. T'sais. Oui. Puis moi, justement, en parlant de personnage, il y en a un qui aurait été possiblement mon autre choix, qui aurait été Trainspotting en anglais, ou Ferrovipat. Où là, j'ai vu, j'ai rencontré pour la première fois deux grands acteurs que j'adore, Ewan McGregor et Robert. S'appelle Long. Robert. Carlyle. Oui. Carlyle. Bigby. ça arrêtait le fun aussi, mais c'est incroyable, ces deux-là. Il me faisait peur dans ce film-là. Oui, c'est épeurant. Puis tu le vois l'année d'après dans The Full Monty, puis il est comme, OK, il n'est pas épeurant, là, tu sais. Ah, c'est l'année d'après, Full Monty. Ouais, quelque ah chose non, comme je ça, ouais. l'adorais là. Puis... Ah non, c'est ça qui est le fun. C'est des acteurs comme ça que j'ai découvert dans des films qui sont pas nécessairement connus, tu sais, de tout le monde. T'sais, je sais que c'est quand même assez Dans connu, qu'il y avait Trainspotting, des c'est gens. très connu aussi, ouais. Et Oui, ils c'est font des un films quand 2, même là, pas mal connus. le prochain film de Danny Boyle, c'est la suite, là. The Trainspotting? Oui. Ah Avec oui, les la acteurs suite. originaux, tous les acteurs ont dit oui, là. Ah, ben là, ça, je savais pas. Là, Je tu pense que c'est l'année l'espères. prochaine ou je sais pas, il faudrait vérifier, là, mais. Oh, ben, j'ai hâte de voir ça. Avec Spud et tout, là, Parce que tous c'est basé les. sur un roman, puis l'auteur il a écrit une suite au roman qui s'appelle Porno, mais je pense pas. Je pense que le deuxième film qu'ils font, c'est pas basé sur la suite du roman. Je pense que c'est une histoire originale, mais je suis pas sûr. Là, je dis ça de même, mais je suis pas sûr. Ah, ça va être intéressant à suivre, oui. Ouais. Je Ça suis curieux de voir m'intéresse, ces ça. personnages-là 20 ans plus tard, là, t'sais. Le personnage qui chie d'un drap, c'est ce qui m'a fait rire quand j'étais jeune, là. Ah. Non, il y a des scènes La là-dedans. scène du bébé, bien sûr. Mais c'est ça qui est fou, c'est que des fois, on ne se souvient pas nécessairement de. Comme Brain Dead, tu sais, je me souvenais quand même de pas mal toutes les grandes scènes. Mais là, il y a des détails, des fois, puis il y a des choses qui m'avaient vraiment marqué. Puis là, je revoyais, je disais, ben oui, je l'avais vu, puis je me souviens que c'était comme ça, puis ça m'avait marqué, j'ai trouvé ça dégueu. Ou... Puis là, tu revois aussi longtemps après, puis ça te rappelle un peu le fun que tu as eu quand tu l'as vu la première fois. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que la scène, elle marche bien, comme la fameuse scène dont je parlais de Londres qui se vient déchaîner, qui se met à tuer plein de zombies en même temps. Ça dure 5-10 secondes, mais c'est le fun. La Ouais. scène du bébé dans le parc, là, toutes ces petites scènes-là que je me souvenais très bien. Puis des revoirs, c'était le fun. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui fait que je pense que des fois on est nostalgique de choses qu'on a aimées, puis là on les revoit, ou de la musique, hein, même chose, on a réécouté. Puis ça nous fait revivre des fois des émotions qu'on a vécues dans le passé. Puis c'est ça qui est particulier. Puis c'est pour ça, à mon avis, justement, que ça meurt pas, puis que ça va toujours être là, puis que ça va toujours venir nous chercher à quelque part. On a vécu, ça nous a fait vivre des émotions. Puis là, on les revit des. Mais la question là maintenant, c'est est-ce que ça pourrait plaire à un public adolescent? Pour ceux qui. Ben, personne ne le sait, dans le fond, personne ne te connaît. Puis dans le fond, ceux qui nous écoutent, t'as des enfants, puis ta fille, elle a 13, bientôt 14, puis ton Flo, il y a quoi, 9, 10 ans, je pense? Tu Mon garçon d'avant va bientôt ben, sais, je 10 veux ans dire, cette est-ce que année. dans, mettons, dans quelques années, si tu fais écouter à l'un ou à l'autre ce film-là, est-ce que tu penses qu'il pourrait l'apprécier avec ses effets spéciaux, puis le côté vieillot un peu du film, puis tout ça? Je pense que ça marcherait. Mais, en tout cas, avec ma fille, c'est sûr qu'elle trouverait ça dégueulasse, puis que bien souvent, je pense qu'elle aurait de la misère à regarder et à supporter la scène. Parce que c'est pas toujours évident, surtout les premières fois quand tu vois ça. C'est quand même quelque chose. Quand tu n'es pas habitué au gore, c'est sûr que tu vas dans. À l'écouter, ça c'est évident. Parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, tu viens que tu t'habitues à si tu es capable d'écouter le film au complet, de regarder toutes les scènes, mais quelqu'un qui n'est pas habitué à du gore, c'est peut-être pas le meilleur film à commencer parce que il va en avoir, tiens, en masse. Mais justement, je serais curieux. Honnêtement, ça, je suis curieux. Puis oui, c'est quelque chose qui m'intéresse de leur faire écouter éventuellement. Peut-être pas là, mais je sais. Non, non, Mais non, tu mais sais, nous autres mais même, en on l'a vu même. à 18-19 ans, ce film-là, tu sais, Ceux-là, fait que... oui, mais en même temps, je me rappelle que jeune, moi j'en ai vu des films d'horreur, là. À très bas âge, là, que ce soit Ouais. les Jason, ben les Friday, les Vendredi 13, les Halloween, les Freddy. Moi, j'ai vu Le Loup-garou de Puis. Londres à 5 ou 6 ans, je pense, la première fois. C'est le premier film d'horreur que j'ai vu. Je sais pas, je me souviens plus des circonstances exactes, là, mais... Moi non plus, mais j'ai plus toutes les circonstances. Ben, je me souviens pas tout à fait vrai. Il y avait des oncles, ben, mes oncles, dans le fond, les jeunes frères à ma mère qui venaient me garder, puis que c'était des gars qui devaient avoir, j'imagine, à cette époque-là, 20, 20, 22 ans. Dans l'époque que nous, justement, on a commencé à en écouter. Beaucoup. Puis, tu sais, eux, ils m'en ont fait écouter, puis moi, j'étais content. Tu Ben sais, oui. hey, j'écoute un film d'horreur, j'étais 10 ans. Puis, j'en ai vu beaucoup de films d'horreur à ces Ouais, j'ai peut-être une âges-là. de Puis, j'en mes ai. tantes avec qui j'ai écouté Jaws ou Jaws 2, quelque chose comme ça, à un moment donné, j'ai un vague souvenir de ça, là, tu sais. Je me souviens de mes cousines que j'ai. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'ai vraiment un vague souvenir par rapport à ça. À triper film de zombies. Puis, si je pense, grâce à elle, j'ai vu Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, puis peut-être Day of the Dead aussi. Pas mal l'air qui m'a fait, je pense, découvrir les films de zombies. Puis j'étais très, très jeune. Puis cette cousine-là s'appelle Pauline. À un moment donné, je vais lui dire, parce qu'elle ne m'a pas regardé souvent, mais je m'en souviens. Puis elle m'a fait écouter des films de zombies, parce qu'elle a trippé là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, je ne verrais pas trop ma fille garder une petite fille de 8 ans et faire écouter un film de zombies. Il me semble que ça ne marcherait pas. Non. C'est ça qui est fou. Pourtant, aujourd'hui, tu regardes les jeunes, ils sont beaucoup plus alertés sur tout ce qui se passe dans le monde, contrairement à nous à l'époque. Qu'on n'avait même pas Internet. Puis aujourd'hui, ils ont tout, là, tout est disponible. Ils peuvent voir bien plus d'affaires que nous, on pouvait voir. Ils sont bien plus au courant de beaucoup de choses que nous autres. Mais en même temps, on est tellement vieillis, une génération de parents peu heureux. Nous, on s'est permis plein de choses jeunes, faire du vélo, pas de casque, plein de choses comme ça, qu'on ne permet même pas à nos enfants aujourd'hui. C'est fou, là. Oui. Pourtant, c'est, ça ne marche pas selon l'évolution, parce qu'au contraire, dans le fond, tu sais. Mais en même temps, c'est ça que tu vois que c'est ça qui est fascinant avec l'être humain. On se permettait beaucoup plus de choses avant. Dis-moi, des films d'horreur à 10 ans, je faisais ça à 10 ans, c'était comme normal. Aujourd'hui, mon fils à 10 ans, je ne suis pas sûr, je ferais écouter un Jason ou un Freddy ou quelque autre genre, l'impression que ça ferait comme pas de sens, ça n'a pas d'allure, mais en même temps, j'ai jamais écouté. Mon frère n'écoutait pas. En même temps, c'est ça, plus. La question, c'est quoi la peur au juste? C'est quoi ton. C'est quoi le, d'où ça vient cette crainte-là de dire j'y ferais pas écouter ça? De quoi t'as peur de le traumatiser? Je pose la question de même à. Oh, oui, non, c'est une bonne question parce que tu sais, je me demandais justement, j'ai fait écouter beaucoup. Parce que toi, t'as pas été traumatisé pour le restant de tes jours. Là, au non, contraire, pis... t'aimes le genre, t'aimes ça, ces films-là. T'sais. Oui, puis on dirait que c'est plus. On dirait que c'est. Non, effectivement. Puis c'est plus comme la société. C'est comme si c'est mal vu de dire, hey, fais écouter à ton enfant. Okay. En même temps, fait que t'aurais peur de te faire juger, toi. Oui, puis là, je m'en fous mal de ça. Mais je me dis, tu sais, il y a beaucoup de choses de films que j'ai fait écouter à mon fils que. C'est probablement qu'il y a des parents qui s'en l'empêchent encore. Par exemple, mettons, ben, les Star Wars, quand tu regardes le 3 oui. avec Anakin qui se transforme à la fin, puis tout ça, c'est sûr que ça devient un peu plus difficile à voir au niveau, peut-être pour un jeune enfant. Oui. Mais ça ne veut pas déranger le nombre de films d'action que j'ai fait écouter, que ce soit tous les Marvel. Puis là même, il écoute présentement, il écoute un peu la série Supernatural, qui est quand même assez aussi, oui. beaucoup de monstres, puis de, qui est quand même assez horreur, je veux pas. Fait que je sais qu'il est capable. Puis moi, comme j'ai toujours dit, j'ai dit, Samuel, si je t'ai fait écouter des films comme ça, films d'action, des films qui ont beaucoup de meurtres ou de morts ou de violence, justement, tant que je vais me rendre compte que ça t'affecte pas dans ta vie à toi, puis que tu ne deviennes pas toi-même un peu trop violent ou on voit que ça te fait pas là. Il y a des enfants qu'on voit bien que ça les énerve trop, puis que là, ils deviennent un peu. Perte de contrôle, puis que c'est n'importe quoi après. Ouais. J'ai toujours dit, si je me rends compte, t'es plus agressif avec ta soeur, si t'es, tu te sens, je sens qu'effectivement, ça a l'air d'avoir un impact négatif chez toi. Ouais, ben, on va oublier ça, là. Tu vas arrêter ça tout de suite. Je te permettrai pas, dans le fond, d'en écouter. Fait que jusqu'à date, jusqu'à preuve du contraire, il m'a pas fait preuve de que je vais plus regretter d'avoir fait écouter un film en particulier. Donc, il pourrait peut-être être prêt pour Braindead. J'aurais pensé qu'une des craintes, ça aurait été plutôt de qu'après avoir vu le film, il fasse des cauchemars, puis qu'il en parle à l'école, mettons, puis qu'il dise « Ah, oh, je dors mal à cause que j'ai vu ce film de monstre-là » ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça serait, j'aurais pensé que ce serait plus ça la crainte un peu, mais... Ben, c'est sûr, tu sais, comme moi, tu sais, je suis séparé. C'est sûr que j'avais quand même une certaine crainte de si je fais écouter des choses qui pourraient peut-être déranger sa mère. Puis que sa mère pourrait me dire « Ah, c'est pas de bon sens, tu n'as pas fait écouter ça. » Il dort plus. Mais en même temps, ben... C'est ça, puis surtout qu'il soit plus souvent avec sa mère qu'avec moi, fait que je voulais pas non plus s'arrêter. Je voulais pas me placer dans une situation un peu comme ça. Tu peux pas contrôler la situation. Si tu traumatises ton enfant, tu peux pas contrôler. Là. Non, puis il couche pas chez nous. J'ai le beau jeu. Moi, je fais écouter gros film, ils ont couché chez maman, puis il a peur, puis il dort plus. Ça aurait pu, mais non, j'ai pas. Hein. Mais c'est quand même sa mère qui fait écouter Supernatural. Fait que. Ouais. Et je me dis, il y a quand même. Il y a une certaine ouverture. Puis, ben, Noémie n'a jamais été vraiment très attirée au niveau film horreur, d'horreur. Puis, elle a souvent été un peu plus peureuse, justement. C'est une petite fille un peu peureuse qui a peur des films d'horreur. Fait que je ne ferais pas exprès. Mais, c'est sûr qu'à l'âge qu'elle commence à avoir, j'aurais pas trop de problème à me dire, regarde, Noémie, je vais te faire écouter un film, là. Si t'es pas capable, dis-moi là, on va l'arrêter, c'est tout. Mais on peut peut-être essayer, voir comment tu vas trouver ça. Dans le cas de Braindead, c'est tellement rigolo que c'est pas épeurant, comme on disait. T'sais. Non, c'est ça. C'est juste dégueulasse. Surtout c'est dégueu, c'est ça. T'es pas habitué de voir un film comme ça, c'est dégueu. Mais encore là, je trouve pas que le sang est si réaliste. Parfois, oui, t'sais, par bout, mais des fois, il est quasiment... ça a l'air à de la... Non. Je sais pas comment dire. Quand sa mère ouvre sa main, il sort de là, puis ça sort, c'est ridicule. C'est pas comme des films comme Décadence ou de même où c'est vraiment super réaliste, puis tu fais OK, ça va faire crissement mal, quelqu'un qui se fait arracher le crâne ou peu importe. T'sais. Oui, c'est... là, on n'est pas là. C'est loufoque, à la limite. Oui. Là. Puis c'est une bonne question. Je serais curieux. Honnêtement, c'est quelque chose que je vais peut-être me pencher prochainement. Puis moi, ben c'est ça, c'est la question de l'âge du film aussi. Je me pose tout le temps la question quand on regarde des vieux films-là. Tu sais, si on les regarde pas avec des lunettes roses en disant « Ah, oh, je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais ça », tu sais. Ah, il y a des défauts, c'est sûr. Sauf qu'en même temps, comme tu disais, j'ai l'impression qu'il a voulu s'amuser aussi, puis c'était... rend peut-être un hommage aussi en même temps à ce genre un peu de film-là. Je pense que les effets pratiques vieillissent mieux que les effets par ordinateur, puis je pense que ça vieillit bien, tu sais. Oui, à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, t'as raison, puis ça vit bien, parce que peut-être qu'un enfant, un de mes enfants dirait justement, ah, c'est donc bien mal fait, le singe au début, tu sais, stop motion, peut-être qu'il trouve bien laid, tu sais, il est bien mal fait. Ils sont plus habitués à ça, tu sais. Mais en même temps, ils trouveraient probablement épeurant, parce qu'il est quand même, il est vraiment... Ça lui donne un aspect... Oui, puis le bébé, tu sais, il est épeurant, le bébé. Puis les zombies qui gardent, ils dépérissent de plus en plus. Puis c'est ça qui est particulier aussi, parce qu'habituellement, t'as l'habitude de voir un zombie, mais il est comme déjà dans l'état dépéri. Il ne rempirera pas, là. À moins qu'on lui découpe un bras, qu'on lui coupe la tête, il ne rempirera pas. Mais dans ce film-là, il rempire de plus en plus, on dirait. La mère a dépéri de plus en plus, il est encore plus épeurant, dégueulasse, à finir un énorme monstre épouvantable. Mais c'est ça qui est le fun aussi. Puis je serais curieux, mais je trouve que oui, ça a bien vieilli. Puis je serais curieux, par contre, comme tu dis, de voir un enfant qui n'est pas habitué à ce genre de film-là, parce que nous, quand même, on est plus vieux, puis on a vu beaucoup ce genre-là. Oui. J'ai écouté justement le podcast que vous avez fait sur les stop motion avec les vieux films. Jason et les Argonautes, là, oui. Oui, ça, j'avais vraiment aimé ça, j'avais trouvé ça intéressant, parce que c'est des films qui m'ont marqué. Oui, je l'avais écouté au complet, j'avais trouvé ça bien drôle. Parce que ça m'a rappelé, parce que c'est des films que j'avais vus aussi. Mais ça fait tellement longtemps. Hein, puis ça, j'aimerais les revoir. Caveman m'a donné vraiment le goût. Là. Ça, probablement, justement, je pourrais commencer avec un film comme ça. Ah, c'est fou qu'on ait donné le goût à quelqu'un d'écouter Caveman. Oui, quand j'ai écouté, ça m'a donné le goût d'écouter. Je me suis dit, ça serait un film à voir avec mes enfants. Ça serait un bel. Puis je me suis dit, justement, avec Samuel, d'avoir peut-être des. Parce que moi, jeune, j'ai été marqué à son âge, à 9-10 ans, par des films comme Jason les Argonautes. Tous les films un peu Aladdin. Oui, toute la stop motion, dans le fond, ça te. Ouais, le choc des titans ou des effets comme ça. Là. Choc des titans, ça, c'est un de mes films aussi. Si on parle d'un film de ma jeunesse, Choc des titans, là, c'est clair. Ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu souvent. C'est le même gars que les effets spéciaux de Jason et les Argonautes. C'est exactement le même gars. Là. Ah, j'aimais beaucoup. Parce que, jeune, justement, on n'était pas habitué aux effets spéciaux aujourd'hui. Puis le fait de ne pas être habitué à ces effets spéciaux-là, c'est qu'on y croyait plus aussi, même si on voyait bien que des fois, c'était pas super bien fait ou la façon que ça bougeait, mais on y croyait, on était jeunes. Ben oui. C'était ça, tu sais, veux pas ce qui était hot à l'époque aussi. On est capable de prendre le recul, de se mettre, de se dire, oui, ça a changé beaucoup, on sait que c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Sauf que c'était quand même carrément bien fait à l'époque. Mais ce qui est fascinant avec cette technique-là, c'est qu'en tant que fan de cinéma, en tant que fan de tu sais, moi j'ai étudié là-dedans, puis moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment c'est fait, justement, puis le stop motion, c'est ça, c'est le temps qu'ils prennent pour faire ça, puis les efforts, puis tout, tu sais. Quand tu lis ou quand tu vois des documentaires sur le King Kong de 1933, puis des semaines que ça a pris juste pour l'animer, puis tout, tu sais. Puis Peter Jackson, c'est un gros fan du King Kong de 33, fait que je suis sûr que son singe dans Brain Dead, c'était déjà un hommage à King Kong, dans un sens, là, au stop motion, tu sais, de... Parce que, veut pas, ce film-là, ce qui est particulier, c'est de... Moi, ce qui m'a vraiment... Ce qui a été un ajout, dans le fond, du fait que j'ai aimé ce film-là, c'est de savoir que... Parce qu'à l'époque, quand je l'écoutais, j'avais aucune idée c'était qui Peter Jackson. Puis, tu sais, on savait pas qu'est-ce qu'il allait faire après non plus. Non. Tu sais, il était pas quelqu'un de marquant dans le monde du cinéma à cette époque-là. Non. Il commençait à se faire connaître, veut pas. Il y avait, comme tu dis, il y avait Baptiste, il y avait les Feebles, mais il n'y avait pas le film pour le faire connaître du grand public encore. Ben moi, ça a été celui-là là, pour qu'il me l'a fait connaître. Là, mais... Bon, oui, mais c'est quand j'ai su après que j'ai vu les. Ben, surtout le Seigneur des Anneaux, puis le King Kong, puis que j'ai appris que là, c'était Peter Jackson, puis que j'ai appris après que c'était le même réalisateur que Brain Dead. J'ai fait « Wow! » Il y a son film avec Michael J. Fox, là, puis les fantômes, c'est quoi? C'est « Frighteners » en anglais. C'est quoi en français? As-tu déjà vu ça? Ouais, ça. 97 ou 98, le film de... C'est un inspecteur, un policier qui voit des fantômes. Ça me dit quelque chose avec Michael J. Fox? Ouais, c'est « The Frighteners » en anglais. Je suis pas mal sûr. Il y a Jeffrey Combs, Dr. West, de Réanimateur, qui est là-dedans. OK. Il fait un agent du FBI assez fucké. Je sais pas, il faudrait que je vois la pochette. Mais ça, c'était Peter Jackson aussi. Ouais, c'est le fun d'avoir justement, ils n'ont pas commencé nécessairement avec des grands films hollywoodiens, gros Non. box-office, gros budget. Sa Puis... carrière me fait penser, j'arrête pas de le dire depuis le début, me fait penser beaucoup à celle de Sam Raimi puis des Evil Dead, parce que Sam Raimi, après les Evil Dead, a fait quelques autres films, puis éventuellement s'est ramassé à faire les Spider-Man, les trois premiers avec Tobey Maguire. Fait que... Ouais, c'est ça, c'est ça que ça me disait, ouais, Sam Raimi, je me souviens pour ça, c'est ça qui fait drôle de penser Spider-Man versus Evil Dead. On est dans deux mondes totalement Ouais. opposés, là. Puis, Mais lui, dans le... ces réalisateurs-là, ben surtout Peter Jackson, sont arrivés en même temps que les Tarantino, Rodriguez et Kevin Smith et tout ça. T'sais, c'est toute cette génération-là. Ils sont arrivés quasiment tout en même temps. Puis, ça, on s'entend que tout ce que tu viens de nommer là, ils ont tous fait des films le fun pas mal. Ben oui, c'est ça, t'sais. Dans ces années-là, Pulp Fiction, Tarantino, Kevin Smith, toutes les Mallrats en anglais, je ne sais Bon, pas Rats, en puis Clerks, français. puis oui. Non, T'as-tu vu son Tusk, il y a 2 ans ou 1 an? Film d'horreur. à qui? À Kevin Smith. Non? Non. Okay. C'est un gars un podcasteur, en fait, un gars qui fait des podcasts, qui se ramasse au Canada, qui voyage au Canada, puis qui se fait kidnapper dans le fond, puis qui va se faire transformer en morse par un scientifique fou. Ok, T'as jamais vu non, ça? Tu t'en souviendrais. Avec Johnny Depp a un rôle d'un policier québécois, Guy Lapointe. Ok, c'est-tu bon? C'est intéressant? Non, non, c'est pas. Mais c'est spécial. C'est spécial. Faut que ça soit vu une fois dans ta vie, là. C'est spécial. Je pense que t'as l'état d'esprit pour apprécier ça, là. Je pense que t'es. Ah, ça sur T'as le cerveau pour apprécier ça, je pense. Faut être ouvert Ah oui, d'esprit. j'aime ça. Ça C'est quoi fait. C'est Tusk, Tuska. le... Ok. Ça fait facile à retenir. Oui. Quatre lettres. Dans le fond, ça va être une Ah. trilogie. Là, ils viennent faire le deuxième, qui va être plus ou moins relié à Tusk. Puis le troisième, là, on va revoir la créature qui va revenir, puis qui va se battre avec une autre créature. C'est une trilogie canadienne, c'est niaiseux. Kevin Smith, il a eu cette idée-là, un moment donné, il était bien gelé, là, puis il faisait un podcast, puis il a eu cette idée-là, puis on peut écouter le podcast en ligne, là, il commence à avoir l'idée, hey, un gars qui se ferait transformer en morse, puis tout ça, puis avec des grosses défenses, puis toutes des grosses affaires, puis il commence à avoir cette idée-là, puis il est bien gelé, là, puis finalement, il a fini par faire le film, t'sais. Puis là, ça devient une trilogie. Ok. Le troisième film va s'appeler Moose Jaws, t'sais, ça va être un genre de mélange de jazz, mais d'inspiration canadienne, t'sais, ça va être Avec un orignal. probablement, t'sais, puis le morse, il va se battre contre l'orignal, t'sais. Ok, oui, j'ai l'ouvert. J'ai un espresso ouvert Il y a un film du bon, là, pour mais en tout cas. regarder ça, Puis le deuxième là. film, mais ça sort bientôt, là, c'est Yoga Hosers, puis c'est sa fille à lui, à Kevin Smith, puis la fille de Johnny Depp, qui font deux filles qui travaillent dans un dépanneur, puis qui au Canada encore, puis qui vont être aux prises avec des créatures nazies et canadiennes bizarres, là, tu Ok, non, c'est intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Faut que tu vois Tusk. Mais j'ai vu un film récemment. Je ne sais pas si tu aimes ça, les films style Kung Fu, arts Oh, moi aussi, j'aime ça martiaux. les films comme ça. Oui. Ça dépend. C'est plus le domaine à Steven, mais je suis curieux. Quelque chose. S'il ne connaît pas ça, lui, en tout cas, tu en parleras, mais j'ai vraiment adoré Ip Man. Oui, je pense. Ip-Man. Oui, il connaît ça, Steven. Ça, je sais qu'il connaît ça. Je les ai pas vus, Sûrement. là. C'est vraiment le fun. L'acteur est super bon. Puis c'est comme, il joue dans le fond un maître qui est devenu un maître de Bruce Lee dans la vraie vie. C'est vraiment un peu biographique, là, les films sur sa vie à lui, ce personnage-là, Ip Man. Puis l'acteur qui le fait, il a un calme, là, puis il est vraiment fort. Il est le fun à voir aller. Puis les combats sont le fun. Puis tout est le fun. Puis là, ils vont faire un 3, là, je sais qu'il Ouais, c'est ça. sortait là-bas. Là. Puis là, ça va être vraiment sur l'histoire de Bruce Lee en plus. Là. Comment est-ce qu'il va entraîner Bruce Lee? Parce qu'on ne voit pas vraiment Bruce Lee dans les deux premiers. Ça va être juste dans le 3 qu'on va le voir. Ok, J'aime ça qu'il ramène. je savais pas que c'était ça Oui, l'histoire. ouais, c'est carrément un des maîtres de Bruce Lee. Un maître d'un art, un des arts, je ne me souviens plus de son Fait art que à ça se lui. passe quoi dans les années 50, 60? Oui, c'est très vieux. C'est super intéressant. Vraiment, j'ai adoré. On l'a écouté sur Netflix, Geneviève et moi, parce qu'elle aime pas mal ça aussi, les films arts martiaux. Ça fait du karaté, justement. Là, on était curieux, on voyait ça, ça avait l'air bon, c'était bien coté, on commençait à l'écouter, on a embarqué. Là, on a vu qu'il y avait un 2, puis là, j'ai vu à moi qu'il sortait un 3. Ouais, j'ai Oh, vu wow. Steven a partagé l'annonce, le trailer sur Facebook. Beaucoup aimé, Ip Man, vraiment le fun. Ah, je vais surveiller vraiment le ça. fun. Ouais, tu checkeras ça. Steven, il va me dire, il va sûrement me dire quelque chose. Je te l'avais dit, puis je m'en souviens pas, genre. Comme c'est lui aussi hein, qui a vu Daredevil puis qui a beaucoup aimé, il me semble. Hein? Oui. On aurait pu être deux à se mettre contre toi pour. Ben, c'est pas contre moi, j'ai juste pas vu. C'est juste, ça a pas donné. T'as-tu vu Jessica Jones? Pas encore non plus. Là, je l'ai vu. J'ai vu Jessica Jones, j'ai vu Daredevil, les deux saisons. Jean Carter, je l'ai pas vu. Je sais que t'as vu ça, tu l'avances beaucoup. Oui, fait que ça j'aime beaucoup. Là, sur Jean Netflix, Carter. Sûrement, j'imagine. Même pas. Elle est vraiment dure à trouver. Elle est pas là sur Netflix. Non. Comment ça se fait? Mais. Parce que ça, je l'avais pas vu, c'est ça, parce que je me disais, c'est quoi cette série-là? Je pense qu'ils ont une entente avec Amazon, mais je suis pas sûr. Genre, Amazon, ils ont comme un service comme Netflix, Amazon Prime ou quelque chose comme ça, là, puis. Ok, bon, ça fait chier un peu. Puis ils ont des ententes exclusives, là, tu sais. C'est le fun, il y a du point des séries qu'il y a, tu sais. Ben, l'agent Carter, si t'as vu, ben, t'as vu les Captain America, c'est Peggy Carter, c'est la blonde de Captain America, tu sais, mais ça se passe tout de suite après le premier film. La première saison se passe tout de suite après le premier film de Captain America, puis c'est elle qui. Puis son agence là, t'sais, qui vont résoudre des crimes sur l'affaire, puis il y a toute une histoire vraiment intéressante là, qui se passe. Là, puis, la il y a deux... combien de saisons, ça? La deuxième vient de commencer. Là. Ça fait 3-4 épisodes qui sont passés. Là. La première saison, combien d'épisodes? 8. Ouais, 8, je pense. OK. Ah, j'aime ça, les séries pas trop longues. C'est quand même le fun. T'as assez super. Ça vient, non? Les 22, 23 épisodes. Ah là. Non, je serais plus capable. Là. Mais je me retape toutes les X-Files, c'est en site, mais c'est trop long. Là. C'est long, honesty. Ah, ça bien long, honnêtement. Là, c'est... Ça, j'ai bien aimé Daredevil, c'était pas trop long. Jessica Jones aussi. C'est 10-12 épisodes, ça, je pense. Oui, à peu près. Oui. Fait que c'est ça, dans le fond, Braindead, je pense que c'est. Tous les deux, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça a vraiment bien vieilli et qu'on le recommande vraiment à fond. Là, pour ceux qui l'ont jamais vu ou ceux qui veulent le revoir et qui hésitent. Là, pis... Ceux qui n'ont jamais vu ce film-là et qui aiment un peu ce genre-là, sauter là-dessus tout de suite, c'est un classique en son genre. Ça, c'est définitif pour moi. Ça fait partie de mon problème top 3, top 5 de films de ce genre-là que j'aime puis que je réécouterais et que je recommanderais. Pour ceux qui ne sont pas trop habitués dans le genre, mais qui aiment être divertis puis qui sont prêts à. C'est qui aiment des fois avoir un peu justement des émotions de dégoût, de dire ah, oh, ça c'est dégueulasse, ou écoutez ça, vous allez aimer ça. Puis la question que je me posais tantôt, je trouve intéressante, mes enfants, des jeunes d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils trouveraient ça? Je pense qu'il apprécierait peut-être pas autant que nous à l'époque, mais je pense qu'il arriverait quand même à apprécier parce que, comme on a dit, ça a bien vieilli. Puis, tu sais, le fait, même si c'est du stop motion, même si je pense qu'il est assez le fun pour qu'on l'apprécie puis qu'on voit pas juste peut-être les défauts qu'on voit moins aujourd'hui dans les films, mais le reste qu'on pense largement pour moi, puis toutes les scènes, puis comment ça déboule, puis c'est le fun. T'sais, c'est un film le fun. Tu peux pas t'ennuyer quand t'écoutes ça. Il n'y a pas de longueur. Puis tu te demandes toujours ça va finir comment, puis ça va aller jusqu'où. Puis c'est de pire en pire. Là, les zombies qui se mettent à baiser, ils donnent naissance à un petit bébé. C'est quoi cette affaire-là? Ou quand ils les ont dans la table de cuisine, ils ont attaché qu'ils font manger. C'est complètement fou. T'sais, tu vois ça, tu dis ça n'a pas de sens. Quelqu'un ne ferait jamais ça. Mais tu y crois quand même par rapport au personnage qu'on a rencontré au début du film, tu sais, Lionel, puis on le voit évoluer. Puis tu. Même si on voit que c'est complètement n'importe quoi, on y croit pareil, on est en bac, on a du fun. Fait que moi, oui, j'en recommande beaucoup ce film-là. Fait que c'était mon choix. Oui. C'est mon premier podcast. Je suis fier de dire que c'est sur Braindead. Puis que c'est le genre de film que je recommande à n'importe qui. Si vous êtes le moindrement amateur de gore, horreur, un peu loufoque, vous avez le goût de passer une bonne soirée à ne pas vous casser la tête. C'est pas un suspense, là, puis il n'y aura pas de questions à se poser, là, ben, puis profitez-en, il y a du fun, puis vous m'en reparlerez après, vous nous en reparlerez. Ben, je seconde tout ce que tu as dit, puis c'est ça, si vous aimez les films comme Evil Dead 2, mettons, des comédies d'horreur comme ça, tu sais, ça, c'est encore 10 fois plus extravagant, ce film-là, mais ça vaut vraiment la peine, puis je trouve que ça a bien vieilli, puis... C'est intemporel un peu, même si ça se passe peut-être ça se passe dans les années 50, mais ça reste que c'est intemporel, je trouve que oui. C'est un petit quelque chose je vais pouvoir le regarder dans 20 ans, je pense, puis je vais l'aimer encore, là, tu sais. Oui, je suis bien d'accord. Fait que, une bonne note. Oui. Ouais. Mets-tu des notes à la fin, non? Non, non, déjà, on fait juste dire qu'on recommande, puis... On recommande. Fait que, ben, là-dessus, on va conclure cet épisode qui est quand même assez long. On a quand même parlé d'une couple d'heures de Braindead, mais c'est cool, c'est vraiment le fun. Puis, c'est clair que si tu veux revenir, tu vas être le bienvenu. Puis, avec Steven, cette fois-là aussi, peut-être, parce que là, à soir, oui, c'est... Oui, ben oui. Steven avait dommage, Steven, je suis convaincu qu'il a eu bien du plaisir avec nous autres. Ben oui, c'est un gros fan, il m'a dit qu'il n'avait même pas besoin de le regarder en plus parce qu'il connaît trop par cœur, fait que il avait hâte d'en parler, mais bon. Fait que là-dessus, on se laisse tout le monde. Je l'avais pensé se laisser sur une chanson, en fait, puis j'ai réfléchissais à ça, puis je pense que j'aimerais prendre une chanson semi de circonstance parce que dans son titre, ça parle de quelque chose qui est dans le film, mais en fait, la chanson en parle pas vraiment, en tout cas, c'est une chanson qui a marqué l'époque où on s'est connus, toi et moi, qui, moi, dans ma tête, ça représente cette époque-là. Puis, ben, son titre évoque quelque chose qui est dans le film Braindead. C'est Zombie, des Cranberries. Oh! Parce que quand 94, oui. Quand on s'est connus, 95, ça jouait tout le temps. Cet album-là a comme vraiment éclaté là, à cette époque-là, puis ça a explosé. Puis c'est de très circonstances. Je suis parfaitement d'accord avec ce choix. Fait qu'on se laisse là-dessus, puis on s'en reparle bientôt. Suivez notre site, c'est brasdeferdesfilms.com. Tout est là-dessus. Je voulais juste mentionner aussi une dernière chose, que le site a changé, parce que j'ai comme passé d'une plateforme à l'autre, de Weebly à WordPress, puis j'ai fait des changements dernièrement, fait qu'allez voir le site, puis dites-moi ce que vous en pensez. Ça risque de se modifier encore. Je m'amuse tout le temps là-dessus un peu. Fait que voilà. Fait que à la prochaine. Bye bye. Merci tout le monde. Bye bye.